une excellente journée et je vous dis à demain. Et qui sait, peut-être que vous penserez à moi quand vous montrez le son de votre télé ce soir. Le 6-9. 6h-9h. 6h-9h. Sur Énergie. On parle avec vous ce matin des tocs. Vous nous dites vos tocs. Quels sont vos tocs, tout simplement. On va faire un petit tour de table. Avant ça, on a déjà des fifous qui sont avec nous. Il y a Christelle qui est là. 0800-234-56 pour nous appeler. Bonjour Christelle. Bonjour les fifous. Bonjour. Oh Christelle, tu as des tocs. Je le sens. Quel est ton toc? Ah oui. Ah, le pire toc que j'ai, c'est je me gare, je mets mon frein à main, je sors de l'auto, il faut que je retourne voir si mon frein à main est mis. Voilà, ça c'est. Et alors le pire qui rend mon mari fou, c'est que je déteste que mon évier de cuisine soit éclaboussé de gouttes. Ah ça oui, j'aime pas. Genre qui va aller se laver les mains, que je viens de tout frotter. Je vais faire une crise et je vais aller lui dire Alors lui il va me dire mais on peut plus s'en servir du coup. Si mais tu dois essayer après quoi. Je ne supporte pas ces gouttes éclaboussées dans mon évier. Voilà. C'est vrai que c'est pas pratique hein, parce que des gouttes dans un évier forcément c'est ce qu'il va y avoir. Hein. Ben oui mais voilà après ça fait des traces de calcaire et tout et non j'aime pas. Voilà. Bientôt il va devoir aller se laver les mains au robinet à l'extérieur. Prends-tu d'arrosage Olivier. Le Carcer, quoi, voilà. J'adore. Eh ben merci d'être passé ce matin, Christelle. On souhaite une belle journée. Plaisir. Bisous. Salut Christelle. Quels sont vos tocs? Il y a Estelle qui va arriver avec nous dans un instant. Avant ça, petit tour de table vite fait. Tiffany, c'est quoi ton toc, toi? Alors moi, je ne peux pas m'endormir tant que je n'ai pas vérifié derrière toutes les portes de mon appartement, dans ma garde-robe, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui se cache. Non, mais c'est. J'ai toujours des portes. Enfin, j'ai des portes. Oui, tout le monde a des portes. Hein, qui sont entre les murs. Et donc j'ai toujours peur dans le noir qu'il y ait quelqu'un derrière la porte. Alors je revérifie à chaque fois quoi. C'est mignon. Jérémy, c'est quoi toi? Ben vous allez me prendre pour un fou, mais j'aimais pas. Maintenant ça va, je commence à accepter que les aliments se touchent dans l'assiette. Sérieux? Ouais, j'aime beaucoup. J'aime quand mes aliments ne se touchent pas. Quand je sers par exemple un steak frites, il faut que les frites soient d'un côté, le steak de l'autre. Faut pas que. Enfin, je sais pas. Ça ne descend pas un carbonara avec toi. Les pâtes nature d'un côté, la sauce de l'autre. Ouais. Frisco, moi c'est avant j'avais les cheveux longs et à chaque fois j'ai un tic de passer ma main dans mes cheveux. Mais alors même quand je suis, enfin quand j'avais les cheveux, quand j'ai les cheveux courts, j'arrête pas de les passer. Genre tu vois, je suis en train surfeur, de quoi. Ouais, c'est ça. Alors je suis plutôt surfeur de rien du tout quoi. 0800-234-56 pour nous appeler. Quels sont vos tocs ce matin? On en parle avec vous. Il y a Estelle. Bonjour Estelle. Salut tout le monde. Salut. C'est quoi ton toc? On va finir avec toi avant de refaire ça un petit peu plus tard. Mais c'est quoi ton toc Estelle? Bah, moi en fait j'ai un toc avec les objets alignés. Tout doit être aligné chez moi. Ah ouais. Oui, en mode parfait là. Les télécommandes, les pantoufles, le pouf, les tentures doivent être bien alignées, sinon ça m'énerve. C'est la Raphaël Nadal des tentures. Ça me fait penser à ma mère. C'est, en fait, c'est, ta maison, c'est une maison témoin. Bienvenue dans les maisons Marie-Olivier. C'est terrible. Ah, mais ça, c'est vrai que c'est dur. Et je vous jure, ma mère, elle est comme toi. Et chaque fois que j'y vais, je m'amuse à déplacer des trucs. Juste pour voir si elle le voit. Et t'inquiète pas, elle le voit. C'est pas sympa. Ah non, c'est pas sympa. Genre, je prends la bougie, je la mets ailleurs. Je prends le vase, je le mets ailleurs. Et elle le voit. Hein. Elle le voit. Je repasse une demi-heure après, c'est remis en place. Mais elle est complètement folle. Et ben, Estelle, écoute, courage. On te souhaite une belle journée. Bisous, Estelle. Tu peux faire un petit bisou à tout le monde? Oui, vas-y. Donc je voudrais faire un bisou à mes petites collègues, à la famille, à ma cousine Sandrine et à vous tous. Eh ben voilà, gros bisous. Le message est passé. Bisous Estelle. Bonne journée à toi aussi. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast audio et vidéo sur l'appli Énergie Belgique. Surrender my everything, 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. Young blood, see you want me, see you want me. That is that, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it. All of this time, yeah. Young blood, see you want me, see you want me. Back in your life, so I'm just a dead man crawling. one of us gets too drunk and calls about 100 times. So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take. You're running around and I'm running away from you. From you. Ma belle, ça m'a maintenant tu me reconnais. Ah bon? Allez, danse sur ma corée. Allez, danse, on m'a corresse. Flûte! J'ai oublié de prendre les restes d'hier pour ce midi! Lunch oublié? Arrêtez-vous chez Kiwait et recevez un encas délicieux et gratuit pour tout achat de 10 euros dans tous les shop and go de l'aise Kiwait. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Jeudi déjà, jeudi 20 septembre, on est de retour avec vous pour démarrer une nouvelle journée, c'est le 6-9, il est 6h, bonjour. Bonjour. Toute l'équipe est là, il y a les fifous du matin, il y a Jérém. Bonjour. Jérém qui commence à être de plus en plus sur le fil, le gars arrive, il est 57, 58. Ah t'as remarqué. Oui. Attention, le fil à un moment donné il va péter. Hein. Oui je sais bien, pour l'instant je suis toujours à l'heure, en c'est avance. C'est vrai, donc. Félicitations. Bravo. C'est une médaille. Frisco est là aussi ce matin. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Bonjour, il y a Tiffany au standard. Bonjour, bonjour. Et il y a Aurélie Daredac. Bonjour. Bonjour. La météo pour aujourd'hui, est-ce qu'il va faire chaud, froid, chaud, froid? Parce que ça, tu vois, mais dans un bel état, moi, tout ça. Chaud. Chaud. Mais demain, froid. Ah, bien. Et après-demain? Froid. Ah, non, il faut en profiter. C'est vraiment la dernière journée de super beau temps, un temps sec, ensoleillé, entre 23 et 26 degrés aujourd'hui. Ah oui, bien. Oui. Ah, bon, on va en profiter. Les derniers rayons de soleil de cet été. Ah, même ouais. Si, c'est un plaisir. Il y a les concons de la semaine aujourd'hui, tout à l'heure. Ça va être chouette, ça, vous allez voir. Il y a des pépites, hein. Je vous annonce, comme chaque semaine, mais là, on a fait fort encore. Les 7 questions de la mort qui tue aussi qui arriveront. Qu'est-ce qu'on a de beau de prévu? Ben, le fugitif énergie, évidemment. C'est coquidou. Il a fait notre défi, hein. Oui, il a fait. Ouais, tu parles, il a pris ses pieds en photo. Il a fait notre défi, défi EQ, hein, j'ai envie de dire. On lui a pas montré, on lui a pas demandé, monte ta tête. On lui a dit, fais une photo de toi. Lui, il joue sur les mots, hein. Il y aura les sondages aussi du jeudi tout à l'heure. Et puis bah ouais, restez branchés, le fugitif énergie. Il nous donne un indice là à 6h05. C'est dans quelques minutes, juste après Jane qu'on écoute maintenant. 6h02, bon réveil, bienvenue avec nous. C'est le 6-9, du cadeau à gagner en plus ce matin. Et on va jouer ensemble. Un nouveau jeu à vous présenter dans quelques minutes. I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be made for us. Stir it up tonight. We won't. Sur Énergie, une nouvelle journée qui démarre avec le 6-9. Il y a Amir dans un instant. Je voudrais que ça dure 100 ans. Moi aussi. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver. Oh, c'est une belle musique de Lover, ça. Ah là là. Et le pire, c'est que je commence à aimer. Amir, on écoute ça dans un instant. Avant ça, on se connecte avec l'autre fifou là. Le fugitif Énergie, vous le trouvez. Vous gagnez la somme incroyable de 20 000 euros. Ouais, 20 000 euros avec le Fugitif Énergie, c'est avec les casinos Golden Palace. 20 000 euros, c'est une somme incroyable que vous pouvez gagner si vous trouvez cette personne qui se balade un petit peu partout en Belgique. On rappelle un petit peu là le topo depuis dimanche. Elle est partie dimanche dans l'après-midi, en vélo. Ouais. Elle a pris possession de la page Facebook Énergie en Belgique. Et pourquoi tu dis elle ? Bah oui, moi aussi je me pose cette question. Bah cette personne. Bah la personne. Ah, ok. Oh là là. Ah, parce que tu risques d'embrouiller les auditeurs hein, si tu dis elle. Moi déjà j'ai été embrouillé, donc c'est pour te dire. Bon, ce bonhomme, parce que c'est un homme. Oui, on l'a appris que c'est un homme. Voilà, on va l'appeler Roger. Roger est parti de Bruxelles, il a été en vélo, il a fait un petit tour au calme. Et donc, le fugitif Roger, il va prendre un petit pot. C'est toi, Roger ? Et donc le fugitif nous passe des indices tous les jours à 6h05, 7h05 et 8h05. A-t-il posté ce matin ? Oui, il a posté. Ah ! Dit. Alors il a mis une petite photo. Attends, où, où il demande, est-ce que vous reconnaissez cette rue ? Moi je la reconnais, c'est à Louvain-la-Neuve déjà, je le dis cash, direct. C'est à Louvain, bien, c'est à Louvain-la-Neuve. Je suis passé dans ce shop hier fin de journée pour prendre mon abonnement Proximus Epic et m'assurer de rester connecté. Ah oui, je le connais. D'ailleurs, suivez notre Instagram Énergie Belgique. Grâce à moi, Proximus vous offre plein de cadeaux. D'ailleurs, je reste dans le coin. How are you? Ben ouais, en effet, c'est vrai que le fugitif Énergie, toutes les semaines, vous offre votre smartphone Huawei P20 Lite plus votre abonnement d'un an à Epic Beast de Proximus. En plus des 20 000. Il est généreux. Oh, ah, le mec est comme ça. Oui. Mais c'est le Père Noël du fugitif, quoi. Il est plutôt sympa. Suivez le compte Proximus Epic parce qu'en effet, comme tu l'as dit, il va donner un petit indice. Voilà. Voilà, dans la story. Au calme. Super. Bon, hier Louvain-la-Neuve ou aujourd'hui? Bah écoute, hier après-midi, il était donc à Louvain-la-Neuve. On voit que c'est pris l'après-midi, cette photo. Ouais, et il dit je reste dans le coin. Donc pour moi, il va rester dans Louvain-la-Neuve ou en tout cas dans la région, quoi. Dans le Béoué, quoi. Dans le Béoué. Dans le Béoué. Et j'ai envie de dire qu'il a l'air un petit peu futé quand même, hein, puisqu'on ne peut même pas voir la silhouette sur la vitrine. Il a bien orienté la photo, le petit marin. Ah bah il serait con de faire ça devant un miroir. Non, mais bon, il pourrait ne pas y penser, mais il pense à tout. Tu as pris pour une truffe, toi, quoi. Bah, j'espère. Le fugitif Énergie, c'est la personne qu'il faut chercher en ce moment parce qu'elle vaut 20 000 euros et c'est pas une petite somme quand même. Il y a de quoi se faire plaisir avec 20 000 euros. Ah ben bah, attends. Tu ferais quoi, tiens, vite fait, frisco avec 20 000 balles? 20 000 balles, tu me prends un peu au dépourvu. J'achète. Il rembourse sa voiture déjà parce qu'il a du mal. Ouais, c'est ça. Je rembourse ma caisse et je me fais un petit. Mes frais de notaire là pour un appart à Bruxelles. Ah bien. Ouais. Ah oui, monsieur. Pas mal. Ah mais je cible quoi, économique, enfin tranquille quoi. Et ben vous aussi, qu'est-ce que vous feriez avec 20 000 euros? Imaginez, vous le trouvez, et ben vous gagnez cette somme, il suffit de lui serrer la main et de lui poser cette question. Es-tu le fugitif Énergie? Il vous répond et vous repartez avec 20 000 euros cash. Rendez-vous à 7h05 pour un nouvel indice. Le fugitif Énergie, partout en Belgique. Vous le trouvez, vous gagnez 20 000 euros. 20 000 euros. Des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fous, Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Rudy Montana, Marie et Major Lazer à suivre sur Énergie. Et on vous rappelle, on a de la PS4 ce matin pour vous, comme tous les matins depuis lundi, et ça sera comme ça jusqu'à vendredi. Ouais, il suffit de vous inscrire, c'est PS4 qu'il faut envoyer par SMS au 78. C'est 1€ le message envoyé et reçu. PS4 au 6018 et on vous offre ça aux alentours de 9h. Sachez-le, il n'y a pas que des jeux hein, sur PS4. Non. On peut aussi mater des vidéos. Il y a Netflix qui est déjà préinstallé dessus. Il y a YouTube. En fait, c'est comme un smartphone. Ouais. Il y a des applications et tu fais ce que tu veux. Il y a pas mal de trucs. Hier, je suis un peu allé me balader pour voir ce qu'il y avait. C'est vrai, il y a autre chose que jouer. Ouais, c'est vraiment une console multimédia. Ouais. Donc, si vous voulez ça pour chez vous, eh ben, tentez votre chance maintenant. PS4 au 78. On vous appelle tout à l'heure. On vous annonce la bonne nouvelle. Vous ne connaissez pas son visage. Il est quelque part en Belgique. Peut-être dans votre ville. Peut-être dans votre rue. Vous le trouvez. Vous gagnez la somme incroyable de 20 000 €. 20 000 €. Et tous les matins à 6h05, 7h05 et 8h05, le 6-9 sur Énergie vous donne des indices pour le découvrir. Le fugitif Énergie, partout en Belgique. Vous le trouvez, vous gagnez 20 000 €. Et du lundi au vendredi à 17h15, un indice exclusif vous attend sur goldenpalace.be/lefugitifenergie. Golden Palace, nous prenons le jeu très au sérieux. Monsieur le directeur. Oui, quoi Jean-Pierre? Je vous dérange pas? Non Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Dites, je sais plus si je vous ai dit que j'avais gagné à Euromillion. Oui Jean-Pierre, oui. Beaucoup millions d'euros. Oui, oui, ça va, je sais Jean-Pierre, je sais. Oui. Non, c'est parce que je savais plus à qui j'avais dit. Bon, bah, je vous laisse. Bonne journée. Oui, c'est ça, bonne journée Jean-Pierre. Demain, c'est le moment de devenir scandaleusement riche avec un jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Jouez Euromillion dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Euromillion, devenez scandaleusement riche. IKEA aime l'inattendu. Alors surprise, votre IKEA Anderlecht est ouvert ce dimanche. Venez découvrir notre magasin complètement relooké et profitez de nos offres. Plus d'infos sur ikea.be. 15 ans qu'on est ensemble. Attends. Tout ce chemin qu'on a fait, toi et moi. Écoute. Toutes ces choses merveilleuses qu'on a vécues, à la poubelle, comme ça. Non, ne dis pas ça, c'est pas... Bon, en vrai, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? En vrai? Eh ben en vrai, il a tout. Tout. Tout. J'ai entendu tout. Jusqu'au 30 septembre, séparez-vous de votre vieux diesel chez Ford et recevez jusqu'à 8000 euros de prime environnementale à l'achat d'un modèle essence, hybride ou diesel nouvelle génération. Et même 5 ans de garantie. Ensemble, rendons le monde un peu plus propre. Ford. Go further. Infos et conditions sur Ford.be. Pour venir me voir, tu peux prendre le métro, le scooter, le bus, le tram et quand il fait beau, le vélo. Tu peux me rendre visite en trottinette à cheval, du sabot d'usé sur 4 veaux. C'est déjà pas si mal. Pour mieux respirer, faut pas hésiter. Contre la pollution, faut se mobiliser. Pour bouger à Bruxelles, y a mille et une façons. Mais les autos les plus polluantes, ça c'est hors de question. La zone de basse émission de la région de Bruxelles-Capitale est en place. Pour savoir si votre véhicule a le droit d'y circuler, surfez sur lez.brussels. Bah, je m'appelle Stéphane, hein, je cultive des chicons pour Flandria. Et moi j'adore le chicon, hein, avec son petit goût amer là, qui lui donne du caractère. C'est pas pour rien qu'on appelle ça l'or blanc. Hein. Le chicon, c'est chic. Seuls les légumes de producteurs passionnés sont d'une qualité irréprochable. Flandria, c'est meilleur quand on y met du cœur. Allez voir sur flandria.be. Campagne financée avec le soutien de l'Union Européenne. Auto-yoga avec Corona Direct Assurance. Serrez le poing, dressez le pouce vers le haut et tendez le bras. Voilà, c'est la posture, c'était comme ça, le coup de main après mon accident. Et oui, l'équipe d'assistance de Corona Direct Assurance est à votre service, jour et nuit. En cas d'accident, ils viennent même sur place pour vous aider à remplir votre constat. Plus d'infos sur coronadirect.be. Corona Direct Assurance, directement assuré, directement rassuré. Le SUV Opel Crossland X. Déjà à partir de 249 euros par mois, entretien, taxes et assurances inclus. Vous n'avez plus qu'à faire le plein. Offre sous condition. 6h18 sur Énergie. Dans un instant, on se fait l'ABC Song. Très simple, vous connaissez le concept. On joue à ça dans quelques minutes. Avant ça, un point sur les routes, Aurélie. Il y a déjà des bouchons, dis donc. Oh non. Si. C'est pas possible. Pardon. Sur le 411, vous perdez 36 minutes entre Stockholm et la frontière déjà avec le Luxembourg. C'est énorme à 6h du matin. Bah ouais, dis donc, c'est énorme. J'ai envie de dire. On est mal. C'est tout? Bah c'est déjà pas mal. Hein. Déjà... 6h18. Ouais, bah courage à vous les copains, on est là. Voici Ready Mental, c'est le 6-9. I see. And then I say to myself, it's never as it seems. 'Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. 'Cause you are the one, you rule your world. No bad man on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave it up, leave me alone, let me live my life. Leave me alone. 21 sur Énergie. Bon réveil avec nous. Il y a Pink qui va arriver dans un instant côté hit avec So What. So What. Exactement. I'm in the oh, je vois que tu as la voix déjà chauffée, mon Frisco. T'as vu ça? Nous allons chanter ce matin et jouer à un nouveau jeu ensemble qui s'appelle l'ABC Song. Ah, j'adore ce jeu. On n'invente rien. Hein. C'est un jeu très simple. On va faire l'alphabet. On commence par A. Et à chaque fois, il faut trouver une chanson qui démarre par la lettre A ou B ou C ou ainsi de suite. Ah, quoi. Sympa. Voilà, on va faire un petit tour de table. On démarre avec toi, Tiffany. Oula. Et on prend des risques. Et tu bats la lettre A. Tiens, démarrons par ce qu'il faut. I believe I can fly. Non mais c'est aïe, je sais, mais bon, ça marche, c'est un aïe. Agadou, dou, dou, left alalare, moule café. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec elle? C'est magique. Je sais pas ce qu'on va faire avec elle, mais... C'est magique. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Aurélie de la rédac, B. Billie Jean, a mama. Bien. Ah ouais, normal. Ah, attends, on est là, là. Il y a du level. Ah. Là, on est sur du Michael Jackson. Là, on est sur du talent. Ah ouais, un petit Billie Jean, c'est bon, ça. C'est quand même mieux quand c'est lui qui chante. Hein. Ouais. J'aime la lettre C. Chocolat. Mais cho, oui. Bravo. Chocolat. Tu m'as tué. Ah, je pensais que tu chantais Annie Cordy, moi. Chaud cacao. Ah oui, il y avait chaud cacao. Je me suis chaud, dit. Chaud, chaud, chaud, chocolat. Je me suis dit que t'avais pas le bon chaud, rythme. Chaud, chaud, chaud, chocolat. Allez, Frisco, la lettre D. Allez. Mais enfin. Il y avait quoi? Mais il y en a plein. Mais rien à voir, il y avait Lisandro. Je te ferai danser. Je te ferai danser. Ça fait commence par un J. Oui, c'est vrai. T'as qu'à prendre la chanson plus loin. Danser. Allez, vas-y, attends-toi. Et Tiffany, la lettre E. Non, non, non, ben pour toi. Voilà. Il y avait Alici. J'en avais une. Eh, lève-toi. Ouais, ça aussi. Eh oui, enfin. Danse avec la vie. Allez, la lettre F pour Tiffany. F, Tiffany. On connaît l'alphabet. Full sentimental. Ouais, pas mal. Avec soi d'idéal. Elle est toute contente. Mais ouais. Ah mais c'était même J. On va sauter des lettres. J. Oui. Elle avait réfléchi pour. C'est ça que je pensais à G, moi. Je suis un homme de Cro-Magnon. J'ai une voiture à ma maison. Quoi, Zazie? Mais Zazie, c'est très bien. Ah. Mais il y avait tout simplement joyeux anniversaire. C'est vrai. J'avoue, il y avait ça aussi. Allez, la lettre K, tiens, Jérém. K. Oui. Cacao. Non, ça, c'est déjà fait. Qui a du caca qui colle au cucu. Oh, c'est vieux, ça. Allez, on finit avec toi, Frisco en beauté. La lettre Z. Z. Zoubida. Zoubida. Ces trucs, Vincent Lagaffe, il avait fait une chanson Zoubida. Ouais, mais Vincent Lagaffe n'est pas un chanteur. Sur un arbre perché. Pas sur un arbre perché, ça c'est la pape de la fontaine. Un cavalier surgit hors de la nuit, Zorro. Zorro, il le signe à la pointe de son épée. Mec, t'es parti trop loin, il est Zumba. Lire Zorro. Zumba. Zumba. Eh. Ouais, non, mais moi je suis plus Zorro. Zéro, ouais. my flow. The waiter just took my table and gave it to Jessica Sims. I guess I'll go sit with Tromboy, at least I'll know how to hit. What if this song's on the radio, then somebody's gonna die. I'm gonna get in trouble, my ex will start a fight. Na na na na na na na, he's gonna start a fight. Na na na na na na na, we're all gonna get in a fight. Alvaro Soler, c'est la suite. Bah, Tiffany qui a glété, mon ami, c'est magnifique. Non, mais on aurait dit que tu chantais avec elle, que t'étais en duo avec Pink sur le. Incroyable, hein? C'est dingue. Ah ouais, on m'appelle Blue, moi. Et Blue Pink. Alvaro Soler, dans un instant, il est resté là. On a les concours de la semaine. On va parler d'évader de prison. Ils l'ont fait, alors d'une manière, les copains, c'est magique, je vous explique tout dans un instant. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you, now I'm see through. You give me a feeling, feeling so strong. Mat, construire ou rénover par tous les temps. 6h31 sur Énergie, dans un instant, c'est Alvaro Soler qui arrive. Il y a les concons de la semaine avant la météo. Et il va faire beau aujourd'hui, il faut en profiter, ça ne va pas durer. Donc le temps sera généralement sec, ensoleillé, entre 17 et 19 degrés ce matin, entre 23 et 26 degrés cet après-midi. Aurélie Adam pour nous informer, l'actu de ce jeudi 20 septembre, bonjour. Bonjour, on reparle des études en médecine pour la FEF et le CIUM. La situation est grave. Les deux organisations étudiantes pointent du doigt le manque de numéros INAMI. Cette année, 1200 candidats ont réussi l'examen d'entrée en médecine, mais à peine la moitié pourra exercer. Les organisations dénoncent aussi l'absence de mesures politiques fortes alors que le pays manque de médecins. Pour la FEF et le CIUM, chaque jeune doit pouvoir réaliser les études de son choix. Il est donc urgent d'assurer un numéro INAMI à l'ensemble des étudiants. Une enquête est en cours dans le milieu étudiant. Elle vise le mouvement Skillenvrienden. Le groupe est présent à l'université de Gand. Il propagerait des messages racistes, sexistes et antisémites. 15 perquisitions ont été menées hier. La police a mis la main sur des téléphones portables et des ordinateurs. On passe au sport en football. Suite de la première journée de la Ligue des Champions hier, une journée marquée par les larmes de Cristiano Ronaldo. Le joueur de la Juventus a été exclu après 30 minutes de jeu. N'empêche, son équipe a battu Valence 0-2. Victoire aussi pour Lyon qui s'est imposé 1-2 face à Manchester City. Autre victoire de la soirée, celle du Real Madrid, du Bayern et de Manchester United. Alors ce soir, on a encore du football avec la première journée de l'Europa League. Séville affronte le Standard à 18h55. Genk qui fait face à Malmö à 18h55 également. Et puis Anderlecht entame sa saison européenne face au club du Spartak Trnava. Ça débute à 21h. Profel. Commandez maintenant vos portées châssis chez votre expert Profel et profitez de nos incroyables conditions d'automne. Profel. Portées châssis avec une promesse, la transparence. La souris mange le fromage. Le chat mange la souris. La panthère mange le chat. Mais le 6-9 sur Énergie, c'est qui va les manger ? C'est Frisco. Évidemment, normal. 6h30, bonjour ! Bonjour ! On démarre cette journée ensemble jeudi 20 septembre. Dans un instant, il y a les concons de la semaine. On est sur Instagram aussi. Ouais. Il suffit de nous retrouver, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie. Exactement. Qui est venu nous voir ce matin, mon cher Frisco ? Il y a Maëlys Segond qui nous a rejoint. Il y a Paolo Bruxelles. Il y a Cadrémois. Il y a Benoît Cussa. Il y a Rukiana. Il y a Emeric. Emeric, il a une belle veste avec des poils derrière là. La Moumoute déjà. Il y a Shaima Dubois qui est là et il y a Mimi Guépard. Les fifous du 6-9 sur Energy pour nous retrouver, c'est sur Instagram et Facebook. Voici Alvaro Soler. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda, calienta mi corazón. Como en una novela, en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Que no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura. necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Hier dans les studios, Alvaro Soler, il est passé nous voir de chez Energy. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'était lui hier. Bah non, c'était pas Alvaro Soler. C'était Augustine Galliana. Pareil. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, mec. Non, bah, c'est pas pareil. Bonjour Alvaro. Non, mais j'ai failli. Je vous jure que c'est vrai. Hey, oh, j'imagine déconner. Trop. Je l'ai vu et quand je l'ai vu, tu sais, je me suis abaissé puis je l'ai re-regardé et il a souri. Et j'ai dit, ah oui, c'est bien à qui je pensais. Et j'ai failli lui dire... Terrible la cintura. Ouais, bah et non, des fois, ça. Vaut mieux se taire. Ouais, mais t'as eu raison de te taire là. Slimane Vita dans un instant. On va écouter ça à 6h38, c'est dans quelques secondes. Avant ça, voici les concours de la semaine. Mais oui. On va parler des valets de prison, je vous l'ai dit. Une quarantaine de détenus d'une prison du nord-est de la Birmanie ont réussi à s'évader. Mais à votre avis, comment ils ont fait leur con? Ils ont appelé Stéphane Poels. Non? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oui, et surtout qu'il est de retour derrière les barreaux, là, apparemment. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui. Ah, ils se sont inspirés de Prison Break? Non. Je sais pas du tout. Assez oui. Simple, hein. Parle-toi. Parle-toi. Ah eh ouais ben, pas du tout. Elle était toute contente. La, les singes, les linges bras. À laver, les draps, tu vois. C'est pas bête. Eh ben, on n'est pas loin. Ah. C'est avec le camion poubelle. Enfin. Oh. En empruntant le camion poubelle du centre pénitentiaire, ils ont braqué le conducteur qui venait collecter les ordures. Ils sont montés à bord, ils ont défoncé la grille et les v'là partis, quoi. Et ils se sont fait arrêter ou pas? Alors sachez-le, ils ont retrouvé le camion poubelle dimanche qui était abandonné à 200 km de là. Et ils en ont retrouvé seulement 10 sur les 40. Oui, oui, oui. Ouais. Ah purée. Encore. Faut appeler Batman là. Il y a encore. Encore ouais. 30 concons qui se baladent dans la nature. un chauffeur Uber, alors ça c'est magique. Il y a un mec comme nous, hein, on voyage, on arrive à l'aéroport. C'était en Inde et il a appelé un chauffeur Uber pour pouvoir rentrer. Petit problème, l'homme qui s'est proposé pour le ramener était complètement déchiré. Saoul de chez bourré, de chez ivre, de chez. Et du coup, le mec grignant pour sa sécurité, il a décidé de mettre le chauffeur sur le siège passager et prendre la voiture et dit c'est bon, je me dépose moi-même. De toute façon, l'appli est activée donc. C'est vrai? Il s'est déposé lui-même avec la voiture, c'est génial. Excellent. Il a pris une photo et il a mis ça sur Twitter évidemment en mettant Uber dans le truc, en mettant vous devez régler ça. Et du coup le gars a perdu sa licence. Le profil du chauffeur a été supprimé de l'application et apparemment Uber se penche sur le problème. C'est génial, mais c'est pas un concon, ça. Et le mec c'est un génie. Non, moi je parle du concon, du chauffeur Uber. Ah, le mec est chauffeur Uber, il est plein mort. Non, mais le mec qui a conduit, c'est un génie. Fouté, le gars. Alors celle-là, elle est magique, lui c'est bon, c'est le concon de l'année, je pense même. On part du côté d'Annecy, chez nos voisins français. Un homme de 45 ans qui a réussi à faire croire durant mais des années à sa femme et à leurs trois enfants qu'il était espion pour la DGCS. La DGSE. Je te crois pas. Ouais. C'est pas possible. Le mec, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Si, non, c'est incroyable. Ce mensonge, en fait, lui a permis de fréquenter et d'épouser une maîtresse qu'il a rencontrée en 2011. Elle donnait quoi comme cours? C'est pas possible. Ils sont installés du côté de Lyon. Et alors, non, mais c'est incroyable.

avec de la PS4 à vous offrir ce matin. Ah, ça me fait plaisir. Ah, mais c'est une tuerie, hein, les gars. Je suis très content. Ouais, faut y aller, hein. PS4 Pro avec 1 Tera d'espace. Autant vous dire que vous pouvez y aller là. Vous pouvez en mettre des films, de la musique, des jeux, des ce que tu veux. Ah non, c'est une tuerie, quoi. Tu peux charger. PS4 par SMS 78, 100 euros le message envoyé et reçu. PS4 au 6018, 1 euro le message envoyé et reçu. Il y a le casque VR aussi, j'aime bien avec la PS. Enfin, on vous l'offre pas avec la PS, mais. Ouais. Mais il y a ça aussi en option. Merci, Jérém. Tu vois les trucs genre les piles sont vendues séparément. Mais là, c'est pareil. Les casques sont vendus séparément. Par contre, on a les manettes avec. Ouais, ah, oui, bah, c'est dans le carton. Il y a les câbles aussi. Vous allez voir ça. Ouais, il y a le câble d'alimentation. Et je vous jure, il y a même la PS4. PS4 par SMS au 78 pour vous inscrire. Bonne chance. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Baby, it hits so hard. Holding on to my chest. Les plus gros hits en voiture. Bajando, olvidando, olvidando. Mi cintura, cintura. Les plus gros hits au travail. Regarde sous mon sein la grenade. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit Music Only. Vous voyez ces journées où tout va comme sur des roulettes? Vous êtes efficace, concentré sur la même longueur d'onde que vos clients. Hein? Tac, tac, tac. Ah bah oui, c'est votre boulot, votre passion. Et c'est ça qui vous donne de l'énergie. Mais à un moment, bah vous vous rendez compte que vous savez pas tout faire vous-même. C'est pourquoi Proximus Business vous propose BizOnline, votre site internet créé, géré et référencé avec l'aide d'un expert Proximus. À chacun son boulot. Plus d'infos sur proximus.be/bizonline. La sécurité est de série sur toute la gamme Volkswagen. Découvrez les conditions portes ouvertes jusqu'au 25 septembre chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. Volkswagen. Jusqu'au 7 octobre chez Planète Parfum, échangez un flacon vide de parfum contre 20% de remise sur un parfum au choix. Planète Parfum, fan de beauté. C'est pas toujours le moment de faire des frites tout en téléphonant. Allô? Allô, chou, dis, je suis à la maison dans 5 minutes. Alors... Non, mon téléphone! Oh! Par contre, c'est toujours le moment pour un Mac Moment chez McDonald's. Maintenant, chez McDonald's, le cheese samouraï en Mac Moment est à 2,25€. Alors, ce pull? Ou bien ce polo? Ou plutôt ce t-shirt? Oh, impossible de choisir. Allez hop, je prends les trois. Maintenant chez CEA, achetez deux polos, cardigan, t-shirt ou pull pour dame ou homme et recevez le troisième gratuit. Collect and go. Ah, comme c'est loin le temps où je stressais dans les files pour aller faire mes courses. Oh. Et oui, sur collectandgo.be, on fait les courses à votre place. Et vous, vous profitez du reste. Collect and go, le service de course en ligne de Colruyt Group. Une inondation dans mon habitation. J'ouvre mon application. Oh, zut, une mise à jour. C'est lent, au secours. Enfin, ça y est, mot de passe. J'ai oublié. Où le trouver? Dans mes mails? Évidemment, il n'y est pas. Oh, marre de chercher. J'ai une meilleure idée. J'appelle les AP. Philippe des AP Assurance, bonjour. Ouf, une vraie personne. Peugeot présente. Eh oui, on a encore innové. Chez Peugeot, l'ambition, ça rime avec innovation. Déjà numéro 1 des SUV, c'est maintenant le monospace qu'on vient de réinventer avec le nouveau Peugeot Rifter. Look SUV, Peugeot iCockpit, technologie embarquée jusqu'à 7 places. Certains se diront, oh oui, ils ont encore innové. En septembre chez Peugeot, profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Rifter et de l'offre 50-50 sur le reste de la gamme avec 50% de remise sur 100% des options. Offre soumise à condition. Aller au boulot en voiture volante pour éviter les bouchons? Il y a mieux. Cette semaine, changez de mobilité. Faites le plein d'idées sur semaine.mobilité.wallonie.be et faites sauter les bouchons. Dans un instant, une petite histoire mignonne de la mignonnerie ce matin pour vous. C'est à 6h50. On en parle après. Un petit point sur les routes, Aurélie. Et toujours des bouchons sur le 411 au sud du pays. Vous perdez 38 minutes entre Stockholm et la frontière avec le Luxembourg. Et puis si vous circulez du côté de l'E19, il y a un radar qui se trouve à hauteur de Vilvoorde en direction de Bruxelles. Ah, faites attention, soyez prudents sur les routes ce matin. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Like a someone, a someone, a someone, a someone. Merci d'avoir choisi Énergie ce matin, 6h52. Dans un instant, Clean Bandit qui va arriver avec Solo. Avant ça, je voulais vous parler de cette petite histoire mignonne. Je sais pas si vous avez vu passer. Nous avons un nouveau héros sur Terre, je vous le dis. Ah bon ? Oh oui, il s'appelle Denis O'Connor, il a 83 ans. Ça s'est passé en Irlande et le mec a fait face à des voleurs. C'était dans un café sportif. Un vieux papy qui était là et qui faisait sa vie tranquille. Et il a vu rentrer trois braqueurs quoi, qui venaient braquer le café. Et ben le gars, il s'en est occupé quoi. Il dit, ah ouais, ah, tu vas me braquer moi, tu vas voir ce que je vais te faire. Le papy. Papy. Denis O'Connor. Denis O'Connor, coup de pied aux fesses. Et c'est génial. O'Connor, c'est le grand-père à Daniel Truc O'Connor, là. C'est, ouais, c'est ça, hein. Ah, ouais. D'accord. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça. C'était Sarah Connor. C'était... Oui, c'est vrai. Ah, ouais. Sarah Connor. Pourquoi tu prends la voix de. Bah, c'est pas comme ça qu'il parle, non, c'est pas ça qu'il dit. Est-ce que vous êtes Sarah Connor? Non, arrête, Tiffany. Du coup, les braqueurs sont rentrés bredouilles, mais je trouve ça magique. Ce papy est mon nouveau héros, je vous le dis, à 83 ans. C'est génial, quoi. Il s'est occupé des trois. Oui, les braqueurs, ouais, et ils étaient armés, hein. Et il a pas eu peur, papy. Hein. Il wow, a été, ouais. Hein. Coup de pied aux fesses, high kick, double kick. un truc de fou, quoi. Ce jour où vous avez été un héros. Tiffany, c'était quand, toi? Ah ben moi, c'est pas loin de chez moi, il y avait un chien qui était tout seul, là, au rond-point. Et il grognait, il aboyait sur tout le monde. Et moi, grande princesse, ouais, trop forte, j'ai été vers lui et je l'ai récupéré avec la laisse de mon chien. Et j'ai été faire le tour du pâté de maison. Finalement, j'ai retrouvé le propriétaire. Ah, en plus, t'as fait une promenade au chien. Ouais, ouais, j'ai fait une petite promenade. Bah, j'allais pas le garder chez moi, en même temps, c'était pas à moi. On évite un héros avec Tiffany. Non, mais c'est vrai, mais attends, il aurait pu se faire écraser. Bah, c'est oui, c'est dangereux. Aurélie de la Rédac, t'as déjà été une héros, toi? Héroïne, oui. Oui, une héros, pardon. Allez, c'est parti pour la faute de français. Et si ça peut être 5 balles dans la cagnotte. Hein. Allez, d'accord. J'achète. Alors moi, un jour, je venais de bosser et puis il y avait une espèce de torrent d'eau comme ça dans une rue. Et je suis allée voir d'où ça venait. Ça venait en dessous d'une maison. J'ai appelé les secours. Pour que la famille soit évacuée. Et heureusement qu'elle a été évacuée parce que ça, c'était vers 4h30 du matin. À 9h, la maison s'est effondrée. Oh, wow. Ça, tu vois, Tiffany, ça c'est une héroïne. Ça, ouais. Ça, c'est bien. J'ai compris. Parce qu'elle a sauvé des gens et des chiens aussi. Peut-être oui, qu'ils étaient dans la maison. Chien. Tu vois Frisco? Non, rien que moi, je suis un zéro, moi. Jérém? Non, pas spécialement on héros. On voit que les femmes sont plus... j'ai déjà été un héros, moi, bien sûr. C'est vrai? Je vous jure, un jour, je rentre chez moi, j'avais un petit poisson rouge. Ça commence bien, l'histoire. Mais non, mais c'est vrai. Un beau petit poisson rouge, bien dressé, il me reconnaissait tout le temps. À chaque fois qu'il me voyait, hop, il se dressait sur ses petites pattes, qu'il n'avait pas, d'ailleurs. Sur ses nageoires. Il balançait la queue quand il te voyait. Ouais, il frétillait et tout, j'adorais. Ouais, il nageait. Et un jour, je vous jure, c'est vrai, je rentre, je dis, mais qu'est-ce que tu fais en dehors de ton bocal? tu n'as rien à faire là. Il était par terre. Et le pauvre, il était un peu il est aussi sur ses pattes aussi. Il rêve le chat un petit peu. Du coup, je l'ai pris, je l'ai remis dans l'eau. T'as pas fait du bouche à bouche? Non, mais j'ai remis dans l'eau, quoi. Et alors, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est mort. Mais non! Mais donc, t'es pas un héros, t'es un zéro aussi, mec. C'est pas vrai, c'est eh ben, pas. Bravo! Non, vraiment, Véronique, je vous jure. Du coup, j'en ai racheté un, qui était le combattant, Blue Blue. Mais il a pas fait long feu non plus. C'est un combattant c'est de rien du tout. Super héros des poissons rouges. Ouais, hein. C'est ça. Ah oui, non, mais moi, me confiez pas de poissons. Hein. Ouais, mais non, mais c'était pas rien le but. Du tout, en fait. Ah non, je t'en ferai des fiches tics. Moi, c'est Clean Bandit sur Energy, 16h56. Bienvenue. Restez bien branchés, on a un nouvel indice sur le fugitif, ça arrive, et Kenji aussi qui sera dans la place. ton lunch? Non, mais j'irai me chercher une pita sur la route. Oh non, pense à Dorvidou. Ok, c'est bon, j'irai chez Kiwait. Lunch est léger, une salade César, des tartines, un vrai poulet. Des produits bien frais et variés pour se régaler. Avec un litre d'eau, de quoi être le plus beau. Arrêtez-vous aussi chez Kiwait pour le lunch que vous avez oublié. En ce moment, un encas délicieux est gratuit pour tout achat de 10 euros dans tous les shop and go de l'Aise Kiwait. Oh, de l'ananas en dessert! Et gratuit. And you're listening to Energy. Il est 7h, bienvenue. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Dans un instant, on vous donne un nouvel indice concernant le fugitif énergie. Avant ça, voici la météo pour aujourd'hui. Il va encore faire beau aujourd'hui, c'est le dernier jour de beau temps. Profitez-en, entre 17 et 19 degrés ce matin, entre 23 et 26 degrés cet après-midi. L'actu de ce jeudi 20 septembre avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour, les partenaires sociaux se sont réunis au sein du groupe des 10 hier pour la deuxième fois depuis la fin de l'été. Ils ont discuté des grands dossiers sociaux, parmi eux le handicap salarial ou encore le job deal du gouvernement fédéral. On reparle des études en médecine pour la FEF et le CUM. La situation est grave, les deux organisations étudiantes pointent du doigt le manque de numéros INAMI. On aura 1200 étudiants en médecine cette année, à peine la moitié pourra exercer au bout des 6 années d'études. Les organisations dénoncent aussi l'absence de mesures politiques fortes alors que le pays manque de médecins. En sport, en football, suite de la première journée de la Ligue des Champions hier, une journée qui a été marquée par les larmes de Cristiano Ronaldo. Le joueur de la Juventus a été exclu après seulement 30 minutes de jeu. Son équipe a tout de même battu Valence 0-2. Victoire aussi pour Lyon qui s'est imposé 1-2 face à Manchester City. Autre victoire, celle du Real Madrid, du Bayern et de Manchester United. Et puis ce soir, on a encore du foot avec cette fois la première journée de l'Europa League. Ah ouais. Séville rencontre le Standard à 18h55. Au même moment, Genk affronte Malmö. Et puis Anderlecht entame sa saison européenne face au Slovaque du Spartak Trnava. Début du match à 21h. J'ai vu ce club, Malmö. C'est génial. Si, mais c'est en Suède. Ah, c'est le premier club de Zlatan Ibrahimovic. Ah, quand même. Ah oui. Malmö. Oh mince, j'ai oublié ma salade à la maison. Lunch oublié? Arrêtez-vous chez Kiwait et recevez un encas délicieux et gratuit pour tout achat de 10 euros dans tous les shop and go de l'Aise Kiwait. Journée qui démarre avec le 6-9, évidemment, jeudi 20 septembre, 7h04. Bonjour! Bonjour! Bonjour. On a Kenji qui va arriver dans un instant. À 7h05, c'est le fugitif Energy qui va débarquer et enfin surtout nous donner un nouvel indice. Ce qu'on sait depuis ce matin à 6h, on vous dit tout ça dans un instant. Pas trop vite, mon ami. En tout cas, toute l'équipe est là. Y a Tiffany au standard. Bonjour, bonjour. La saisie de l'équipe. C'est un truc de fou. Elle est géniale. On est en train de préparer une collection de vidéos avec elle. La pauvre, elle souffre beaucoup en ce moment. Mais surtout qu'en plus, je dois m'y attendre à chaque fois. On te fait peur, en fait. Mais elle souffre rien du tout, finalement. Non. C'est pas non plus ça souffrir. Hein. Ouais, enfin, elle souffre, voilà, on lui fait peur. C'est mythique, quoi. Elle vient de faire un bond de 2 mètres parce qu'il y a Marco qui a dit oh, je viens de voir passer un truc par terre, mais gros comme ça, quoi. Elle a flippé. Par contre, je te jure, je déconne pas, c'était vrai. Allez, non, arrête, je te jure, une espèce drôle, d'araignée qui est passée là comme mais ça. Mais arrête, en plus, comme je disais, j'ai une bébête, j'ai trouvé une bête dans ma salle de bain. Comme celle sur toi, là, maintenant. Arrête. À moitié mille pattes, à moitié perce oreille, c'était horrible et elle est magique, même une mouche a la peur. Franchement, tu prends Maëva avec qui on a bossé l'année dernière et tu la mets elle dans une maison hantée, mais c'est la meilleure vidéo de la Terre, quoi. Il y a Aurélie de la Rédac qui est là aussi ce matin. Bonjour, je fais pas ma maline moi parce que j'ai aussi peur. C'est vrai ? Des araignées et tout, ouais. Ouais. Mmh. Fais gaffe, il y en a une aussi au-dessus de toi. Non, je te crois pas. Elle regarde quand même. Il y a Jérém aussi qui est là. Il y a Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Bonjour, on est ravis d'être avec vous. On vous donne un nouvel indice concernant le fugitif, enfin, s'il le veut bien. Va-t-il poster, va-t-il pas poster ? Réponse dans un instant, juste après Kenji sur Energy. Restez là. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Sur Energy, Jonas Blue qui va arriver. Avant ça, tous les jours, 6h05, 7h05, 8h05 aux alentours. Hein. On vous donne un indice. 7h09, 8h09. Un indice sur le fugitif Energy. Le fugitif Energy. Le fugitif Energy. Le fugitif Energy avec les casinos Golden Palace. 20 000 euros à gagner. A-t-il publié ? Oui ! On va aller voir ça maintenant sur Facebook. Qu'est-ce qu'il nous a dit ce matin le fugitif ? Alors il a dit arrêtez de croire que je suis tout le temps en voiture. Et en fait il met une photo. C'est juste, c'est tout ce qu'il met, hein. Il met une phrase. Mais non ! Il met une seule phrase, mais il met une photo. Ah. Il met une photo en et fait avec on voit un peu le guidon du vélo. On voit un peu le guidon du vélo. Il est noir le guidon. Ouais, et on voit qu'il est devant un panneau, genre une piste cyclable avec écrit bruyère. Donc, voilà. Et il a dit qu'il restait dans le coin de Louvain-la-Neuve. Donc à mon avis, Bruyères, est-ce que c'est un quartier de Louvain ? Est-ce que c'est, tu vois, je sais pas trop. Bruyères, en fait. Google Maps. Peut-être une ville à Namur. Il y a pas Bruyères. Ouais, mais de là, enfin, s'il reste dans la région, il va pas retourner à Namur. Hier, il était à Namur. C'est pas la même région, hein. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Bruyère. Il y a aussi Bruyère du côté de Liège, mais là. Ouais, c'est non, c'est loin un vélo. Quoi, hein. Et puis on non, voit. Non, mais je tape. Bruyère-Louvain-la-Neuve, effectivement, c'est un genre de quartier. Et c'est, Il se balade en vélo dans les quartiers de Louvain-la-Neuve, quoi. Parce qu'il y a la Bruyère, ouais, non, quartier des Bruyères à Louvain-la-Neuve. Ah, Bruyère. Donc si les étudiants sèchent les cours, c'est le moment d'aller à la recherche du fugitif. Louvain-la-Neuve. Si vous nous écoutez ce matin, le fugitif est certainement, très certainement chez vous. Près chez vous, ouais. Et près de Bruyère, donc. C'est un piste cyclable ou un chemin. Ouais, il met une piste cyclable vers Bruyère, donc il n'est peut-être pas Bruyère là pour le moment, tu vois. Il va vers. Enfin, j'en sais rien en fait. Merci mais non, Frisco. Mais je voudrais pas belle donner. Attention. Non, mais je voudrais pas donner des mauvaises infos non plus. Enfin, c'est pour ça. J'essaye de. On joue avec vous, les amis. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'on sait pas qui c'est. Mais ouais, vous, hein. Honnêtement, j'ai un pote hier qui m'a appelé, qui me dit bon, ouais, c'est bon, vas-y, dis-moi qui c'est. Mais je vous jure que c'est vrai, on ne sait absolument. La direction n'a jamais voulu nous dire qui c'est. Ça déjà, nous rend dingue. Pour éviter qu'on fasse une boulette. Mais où Roger. mais du coup, je vous jure, on s'est pris au jeu et ça nous rend fou parce qu'on a des suspicions. Mais on suspicionne très mal apparemment pour le moment. Donc ce matin, du côté de Louvain-la-Neuve, Bruyère, si vous connaissez Bruyère, si ça vous parle, ce petit panneau bleu là, cette espèce de piste cyclable ou ce sentier. Ouais, et il y a une fille qui est très maline dans les commentaires, Anissa, elle tague tous ses potes qui habitent Louvain-la-Neuve. Non mais c'est intelligent. Ah, c'est ouais, très bien. Parce que tu peux partager en disant bah, je t'ai aidé, je t'ai tagué, tu me donnes 1000 balles. Quoi. Seulement. Oh, je dirais la moitié, moi. Non. Déjà. Oh, je t'ai dit où il était, tu peux me donner la moitié quand même. Allez, Louvain-la-Neuve, c'est chez vous que ça se passe ce matin, du côté donc de Bruyère. On vous le souhaite. Allez voir ça, c'est sur Énergie Belgique aussi. Oui, voilà. Si vous voulez plus d'infos et vous faire votre propre avis, allez suivre la page Énergie Belgique. Vous aurez toutes les infos là-bas. Exactement, c'est le fugitif Énergie et il vaut la maudite somme, messieurs dames, de 20 000 euros. Vous lui serrez la main, vous lui posez cette question très importante. Es-tu le fugitif Énergie? Il vous répond oui. 20 000 euros cash pour vous. Le fugitif Énergie, partout en Belgique. Vous le trouvez, vous gagnez. 20 000 euros. 20 000 euros. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gon' stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, hate, hate, but we won't change, change anything at all. Oh, we gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They think we just drop out, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language. Because David Guetta sur Énergie. 7h15. Est-ce qu'il y en a dans l'équipe qui font leur lit le matin? Qui fait son lit le matin? Oui. Pardon. Ça veut dire non pour Fisco. Jérémy. Oui, de temps en temps. De temps mais en tu temps. Tu fais le lit, mais sur ta copine. Non, mais c'est vrai, je le fais le soir avant d'aller dormir, le lit. Mais pourquoi? Enfin, ouais, je vous expliquerai. Ouais, on parle de ça dans un instant. Le mec qui me fait peur à dire qu'il fait son lit avant d'aller se coucher. Non, mais je te jure. Juste bêtement, vous me dites lui ou vous me dites non? Tiffany, Aurélie, vous faites le lit? Non, moi ça m'arrive quand j'ai des hymnes de tout ranger. Alors je fais le lit au carré, je passe les poussières, je fais le grand nettoyage. Moi, c'est un grand mot. Hein. J'attrape la couette et pouf, je la relâche sur le lit, quoi. Et pouf, le lit est fait. On va parler de ça dans un instant. J'ai une étude. Si vous faites votre lit ou si vous ne faites pas votre lit, ça vous concerne tous les deux. Que vous le fassiez ou vous ne le fassiez pas. J'ai une étude là-dessus. C'est très très amusant. On en parle dans quelques secondes. Et puis la PS4 aussi ce matin, je vous rappelle, à gagner. Je vous explique tout ça, comment on l'a gagné dans quelques minutes. C'est le 6-9. Êtes-vous certain de ne pas être passé à côté? Aujourd'hui, il est peut-être là, à quelques mètres de vous, dans votre ville, dans votre quartier. Le fugitif énergie, il vous offre la somme incroyable de 20 000 euros. Rendez-vous sur énergie.be pour toutes les infos. Et tous les matins à 6h05, 7h05 et 8h05, le 6-9 sur énergie vous donne des indices pour le découvrir. Le fugitif énergie, partout en Belgique. Vous le trouvez, vous gagnez 20 000 euros. Et du lundi au vendredi à 17h15, un indice exclusif vous attend sur goldenpalace.be/le fugitif énergie. Golden Palace, nous prenons le jeu très au sérieux. Ah, Internet, cette technologie fascinante qui vous permet de tout vérifier. Tout! D'ailleurs, tout, c'est avec un S ou un T à la fin? Mais attends, je vais regarder sur Internet. Alors, tout, tout ou tout? Eh ouais, tout le monde fait la même chose. Mais tout le monde ne paye pas la même chose. Scarlet Trio, télé, internet, téléphone, 39 euros par mois. Pourquoi payer plus? À partir de maintenant, le nouveau Sprinter de Mercedes-Benz brille dans notre showroom et dans votre entreprise. Le nouveau Sprinter est la référence dans le domaine des utilitaires grâce au service innovant de Mercedes Pro et à l'interface MBUX avec Voice Control. Hey, Mercedes? Je vous écoute. Il est à combien? Il y a déjà un nouveau Sprinter à partir de 20 990 euros. Découvrez-le dès maintenant chez votre concessionnaire agréé, Mercedes-Benz Vans. Vans, born to run. L'assurance habitation des AP. En ce moment, 2 mois gratuits. Et en plus, avec les conseils personnels de Philippe. Philippe des AP Assurance, bonjour. Infos et conditions sur lap.be. Comment te dire adieu? Tu nous accompagnais partout? À la mer? Chez mamie? Avec toi, c'est une part de nous-mêmes qui s'en va. Mais tu fumais et tu toussais tellement. On n'avait plus le choix. C'est pour ça qu'on t'a emmené chez Ford. Jusqu'au 30 septembre, laissez partir votre vieux diesel chez Ford et recevez jusqu'à 8000 euros de prime environnementale à l'achat d'un modèle essence, hybride ou diesel nouvelle génération. Et même 5 ans de garantie. Ensemble, rendons le monde un peu plus propre. Ford. Go further. Infos et conditions sur Ford.be. Monsieur le directeur! Si c'est pour me dire que vous avez gagné à l'euro-million, je sais. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire que j'ai oublié le dossier Morin à Copacabana. J'ai passé le week-end là-bas. Non, je suis désolé. Ils vont vous l'envoyer par coursier. C'est le moment de devenir scandaleusement riche. Demain, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Remboursez facilement vos amis pour la soirée pizza. Et in the pocket. Avec l'appli NG Smart Banking, vous remboursez vos amis tout de suite. Vous avez entre 18 et 25 ans? Ouvrez maintenant votre premier compte à vue ING gratuit et recevez 50 euros. Infos et conditions sur ing.be/jeune. Jusqu'au 7 octobre chez Planète Parfum, échangez un flacon vide de parfum contre 20% de remise sur un parfum au choix. Planète Parfum, fan de beauté. Aujourd'hui, le vin est une affaire de cœur et plus seulement de connaisseurs. C'est pourquoi Deleuze fait sa vinolution et vous propose des vins aussi passionnants à découvrir que les histoires qui se cachent derrière leurs étiquettes. Alors, vive la vinolution, vive les vins dont on se souvient et vive les bonnes affaires. Comme cette semaine, ce champagne Vrunken Brut Fondateur en une bouteille plus une gratuite. La vinolution est en marche chez Deleuze et elle vous attend en magasin. Deleuze, du côté de la vraie vie. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Merci d'être là sur Énergie, 7h20. Dans un petit instant, on va parler s'il faut faire son lit ou pas le faire. J'ai une étude pour vous. Avançons un point sur les routes, Aurélie. Eh bien, ça commence à bouchonner en direction de Bruxelles sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et Groenendaal. Vous perdez 27 minutes sur le 411. Comptez 20 minutes en plus entre Oullaert et Auderghem. Et puis, au sud du pays, toujours sur le 411. Comptez une heure en plus entre Stockholm et le Luxembourg. Aïe, aïe, aïe. Courage. Heureusement, le 6-9 est là, les copains. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day, we didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me. Don't you ever. Quelques minutes, je vous explique comment gagner votre PS4 ce matin. Il y a les Black Eyed Peas qui vont arriver, ça va faire très très très plaisir. J'ai une info sur cette chanson. Ah. Vite fait, très vite. Ah, yeah. Tu sais que le refrain, c'est Justin Timberlake qui le chante. C'est vrai? Ouais. La voix super aiguë. C'est les Black Eyed Peas. Mais oui, c'est les Black Eyed Peas, etc. La chanson, la voix super aiguë. People killing, people dying. C'est Justin Timberlake. Waouh, wow, c'est fou, voilà. Quoi. Ça me fait plaisir. Eh ben, merci, Frisco. Merci beaucoup. Ma vie va changer grâce à toi. Oui, bah écoute, tu mourras moins bête. Je suis sûr que tu vas le ressortir en soirée. Eh les gars, cette chanson, c'est Justin Timberlake qui chante. Il est fou. On va parler du lit ce matin. Vous en sortez peut-être, ou au contraire, pour certains, vous rentrez peut-être dans le lit. Il y en a qui font le lit, il y en a qui font pas le lit. J'ai une étude. Et si vous êtes du genre à laisser la chambre en désordre le matin, ou si vous prenez le temps de secouer les oreillers et bien remettre les draps, c'est un peu la question qu'on se pose ce matin. Quel style de personne êtes-vous? C'est une étude qui a été menée aux États-Unis sur 2000 Américains et qui a prouvé que les personnes qui étaient habituées à faire leur lit passent généralement une meilleure nuit que les autres et sont de meilleure humeur le matin. Ah ben, tu vois pourquoi je fais le lit avant d'aller dormir. Attends, c'est pas fini, tu vas voir, tu es encore plus content. Étonnamment, ceux qui ont l'habitude de faire leur lit ont plus de relations de hammam que ceux qui ne le font pas. Ben voilà, tu vois pourquoi je fais le lit avant d'aller dormir. Ceux qui préfèrent leur lit en désordre ont plus de difficultés pour se lever le matin. Ça joue aussi sur l'humeur. La majorité des gens qui font leur lit se définissent comme des personnes heureuses, alors que ceux qui ne le font pas se présentent comme étant malheureux. C'est ouf, hein. Mais je suis pas malheureux, moi. Ouais, moi non plus. Pourtant, je le fais jamais, mec. Hein. Je le fais quand je change les draps, quoi, tu vois. En fait, le fait de faire son lit tous les matins, ça nous rappelle le soir qu'on a déjà fait quelque chose de positif dans la journée. C'est un peu ce que les chercheurs disent. Oh là là, mais les chercheurs, ils cherchent loin. C'est un petit plaisir. Jérém, toi, ouais, donc le soir, le lit. Mais bizarrement, je peux avant pas. Avant d'être couché, c'est bizarre. En fait, je t'explique, si je fais mon lit le matin, en partant, Ma copine est dedans, donc je peux pas bien le faire. Je dois la réveiller, lui dire va dormir dans le canapé en bas. Et c'est pas très pratique. J'avoue. Et alors que le soir, parfois, oui, effectivement, je me prépare pour aller dormir, me brosser les dents et tout. Et je sais pas, je vois ce lit en désordre, mais après, tu me connais, je suis un peu maniaque. Je fais le lit. Alors que je sais qu'un quart d'heure, 20 minutes après, je vais quand même aller dedans, déranger les draps. Mais pourquoi c'est incroyable. Bah parce qu'il a dit dans les études, pour faire et pour bien dormir. C'est magique. Ah bah voilà, si vous faites votre lit, sachez-le, vous êtes une personne heureuse. Si vous le faites pas, vous êtes malheureux. Non, bah mais non. Vrai. Rien à voir, je le fais pas, je suis très heureux. Voici Black Eyed Peas. The whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA. The big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on, I don't know. Where's the truth, y'all? Come on, I don't know. Where's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, Father, Father, help us. Des frissons. On sait comment vous mettre de bonne humeur avec les Black Eyed Peas. Tiesto qui va arriver dans un instant. Et si vous voulez gagner une PS4 ce matin, très simple, vous envoyez PS4 par SMS au 78, c'est 1€ le message envoyé et reçu. PS4 au 6018, on vous appelle aux alentours de 9h et on vous offre ce beau cadeau. PS4 Pro avec 1 Tera de mémoire, plutôt pas mal vraiment. PS4 au 78, bonne chance. I'm in motion. I try to plant a tree, but no reaction. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. Already in the grave, the game is over. The television stands in the corner. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. It's maybe too late. Still looking for a gun. The air is insane. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. A girl is passing by, maybe too shy. A boy is making a try. He's maybe too proud. Like a 21st century boy. first, send her it away. Commandez maintenant vos portées châssis chez votre expert Profel et profitez de nos incroyables conditions d'automne. Profel. Portées châssis avec une promesse, la transparence. Comme tous les jeudis à 7h35, on joue aux 7 questions de la mort qui tue. Ça arrive juste après. Avant ça, voici un point sur la météo. Un temps généralement sec avec deux très belles périodes ensoleillées entre 17 et 19 degrés ce matin, entre 23 et 26 degrés cet après-midi. Jeudi 20 septembre, 7h30, voici l'actu et c'est avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour, plusieurs chauffeurs du Takeno ont débrayé ce matin une grève pour soutenir la FGTB qui manifeste aujourd'hui à Namur contre la réforme des aides à l'emploi. À Mons, 5% des bus ne sont pas sortis de leur dépôt. À la Louvière, la grève touche 30% des chauffeurs. Et puis dans le Hainaut occidental, 75 à 80% des bus roulent normalement. Le groupe d'Edis s'est retrouvé hier. Patrons et syndicats ont notamment discuté de handicap salarial et du job deal du gouvernement fédéral. À ce propos, le groupe d'Edis prévoit de réagir contre certaines mesures annoncées. Le groupe doit par ailleurs aborder les métiers pénibles. Des consultations sont prévues demain au sein du Conseil national du travail. Conseil qui doit rendre un avis à la fin du mois. En sport, en football, suite hier de la première journée de la Ligue des Champions, une journée qui a été marquée par les larmes de Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous avez vu les images? Non. Un gros chagrin parce qu'il a été exclu après 30 minutes de jeu. N'empêche, la Juventus a battu Valence 0-2. Il pleurait parce qu'il ne pouvait pas trouver le fugitif, c'est pour ça. Hier, victoire aussi de Lyon qui s'est imposé 1-2 face à Manchester City. Autre victoire de la soirée, celle du Real Madrid, du Bayern et de Manchester United. Ce soir, on a encore du foot avec cette fois la première journée de l'Europa League. Séville rencontre le Standard à 18h55 et Genk affronte Malmö au même moment. Et puis, Anderlecht va entamer sa saison européenne face au Slovaque du Spartak Trnava. La rencontre débute à 21h. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Le 6-9 sur énergie, c'est comme un fast-food. C'est bon. Mais c'est dur à digérer. Oui, on n'a pas fini ma petite dame, il y a encore l'info énergie s'il vous plaît. L'info énergie. J'ai oublié un jour sur deux. Non, mais t'en es honnête, c'est dans 30. Vous auriez dû voir sa tête, il a fait « Ah oui !» 7h30, c'est l'info énergie, évidemment, comme tous les jours. On parle de quoi ce matin, Aurélie? En plus, j'ai une info qui est assez comique. Hein. Vous connaissez Kylie Jenner? Oui. Ah, c'est qui encore? C'est la sœur de Kardashian. Elle est quand même l'une des célébrités les plus influentes du monde, il faut le dire, sur les réseaux sociaux. Elle a je ne sais pas combien de millions d'abonnés. Et pourtant, elle n'a pas tout connu. Elle n'a pas tout testé. Et d'ailleurs, elle, entre vous et elle, ouais, il y a quelque chose qui vous sépare, mais de loin. À votre avis, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait que vous avez déjà fait et que vous faites tous les jours? Je vais dire qu'elle nous sépare de loin, j'allais dire l'océan Atlantique, oui, c'est tout. De la radio? Non. Non? Qu'est-ce que nous, on a déjà fait qu'elle n'a pas fait? De tout simple. Et qu'elle vient d'avouer. Elle vient d'avouer ça sur les réseaux sociaux. Faire pipi debout? Non. Elle c'est encore plus simple que ça. Cligner des conduire, yeux. Ouais. Mais non, mais t'es bête. N'exagère pas quand même. Ouais, conduire. Dormir. Non. Elle vient d'avouer que pour la toute première fois de sa vie, elle a mangé des céréales avec du lait. C'est okay. Vrai? Mais enfin. Ça, c'est une info, hein. Mais c'est dingue, quoi. Merci. Elle a que ça à faire de sa journée, de dire j'ai mangé des Kellogg's aujourd'hui. Oui, ouais, ça a été quand même partagé 19 000 fois. Hein. Je dis ça, je dirais. Est-ce que tu peux te détendre un petit peu? La meuf va faire une affaire d'État parce qu'elle est choquée que Kylie Jenner dise ça. C'est comme si moi, demain, je dis j'ai mangé grec pour la première fois, ça va intéresser. Oui, mais toi, tu es Tiffany. Elle, c'est Kylie Jenner. 135 000 likes quand même. Hein. Ah, 115 millions de followers sur Instagram. Voilà, juste comme ça pour voir la dimension, tu vois, par rapport à Tiffany. Qu'est-ce qui nous sépare d'elle? 115 millions de followers. Ouais, non, on est pas mal, les gars. On est bientôt à 8000 sur Instagram. Venez nous rejoindre. C'est les fifous du 6-9 sur Énergie. 7h34, bonjour. Bonjour. Voici Tiesto, Jackie Chan. Restez là juste après. C'est les 7 questions de la mort qui tue. On est content d'être là, oui. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, oh, that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rolling down on calling South Beach, yeah. Look like Kelly rolling, this might be my destiny, yeah. She want me to eat it, I guess dinner's on me. I got you, know I got the sauce like a recipe. She just wanna do it for the grand, you know you. She just want this money in my hand. I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance, ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I can't wait for the show. Oh, oh. Got that good, yeah, I know. Oh, oh. You should not be alone. Oh, oh. All this drink got me low. Oh, oh. Car got me right, and I feel so alive. Hey. She don't wanna think, she don't wanna be no wife. She hey. Just wanna stay up late, she just wanna stay. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, just wanna kick it, Jackie Chan. 7h37 sur Énergie, merci d'être là, bon réveil avec nous. Bon début de journée, c'est une nouvelle journée qui démarre jeudi 20 septembre. Eh oui, c'est un plaisir de partager avec vous cette journée. On va jouer ensemble aux 7 questions de la mort qui tue. Dans un instant, c'est Jack Jones qui va arriver. Qui vient jouer avec nous ce matin, Tiffany? Alors, qui vient jouer? C'est Stevens qui travaille comme auxiliaire de l'enfance à Charleroi. Il est fan de football et il est d'ailleurs entraîneur au RFC Gilly. Ouah! Eh, j'achète. Ça me part. Mauvaise blague. Non, non, mauvaise blague. Je tiens pas à mettre dans la cagnotte. Donc là. Le mec pense d'abord à la cagnotte plutôt qu'à l'opinion. Bah, il a déjà dépensé beaucoup dans la cagnotte. Oui, ça suffit. Bonjour à toi, Stevens. Salut, salut. Salut, salut. Steven, sois bienvenu ce matin. Nous allons jouer aux 7 questions de la mort qui tue. J'adore ce jeu. C'est 7 questions qui vont être posées. Vous pouvez jouer aussi chez vous en voiture. Hein. C'est très simple. Super drôle. Enfin, c'est simple. Pas si simple que c'est ça. C'est pas si simple. Hein. Je vais vous poser 7 questions. Et il va falloir retenir chaque réponse pour me les donner à la fin des 7 questions et dans l'ordre, évidemment. Steven, tu vas pouvoir choisir quelqu'un de l'équipe pour jouer pour toi. Parce que sinon, tu peux tout noter sur un papier. On ne nous la fait pas à nous. Il y a Aurélie Dareda qui peut jouer, il y a Tiffany, il y a Jérém et il y a Frisco. Tu choisis qui, Stevens? Je prends Tiffany, comme ça, son père, c'est assez frais. Comme ça, quoi? Comme ça, si elle perd, c'est assez frais. Son père, c'est assez frais. Eh ben, elle peut t'annoncer la couleur, elle va perdre. Non, je déconne. Non, j'ai une bonne mémoire. Non, c'est vrai, elle a déjà gagné ce jeu. Ouais, c'est vrai. Mais c'est normal, elle l'avait préparé. Ouais, c'est elle qui l'avait préparé. Là, elle n'a rien préparé et c'est moi qui vais poser les questions. Fais-moi la maligne. Attention, voici les 7 questions de la mort qui tue. Avec une petite ambiance tropicale. Oui, très tropicale. Elle n'a jamais été au tropique. Comment s'appelle la radio sur laquelle on est? On me fait sur le plat. On adore en manger à Pâques. Et la poule en pont, que suis-je? De quelle couleur est habillé Batman? Combien fait 10 plus 2 moins 12? Retiens le mot que je vais t'épeler. F-I-F-O-U. Quel saint t'apporte les cadeaux le 6 décembre? Et enfin, combien y a-t-il de roues sur une voiture? Tu nous dis quand t'es prête. Maintenant. Concentration de dingue. J'adore. Maintenant. Énergie, œuf noir, zéro, fifou, Nicolas. Son regard a changé. Ah, énergie, œuf noir, zéro, fifou, Nicolas et... Oh, c'est... Ah non, et 4. Mais oui, 4. Hey. Oh, ah non, le fil. J'ai eu peur, je me suis dit, elle nous a pas fait ça. Ah non, mais oui, elle retient les 6 premiers et pas le dernier. Ah non. Ah, là, là. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Eh ben, t'as misé sur le bon cheval, Steven. Bien joué. Eh ben voilà, bravo. C'est un poney, ça, c'est pas un cheval. Mais c'est un étalon, que dis-tu ? Un cheval de trait, ça, c'est pas... C'est un dromadaire. Eh ben bravo, Stevens, du cadeau pour toi ce matin. On te laisse choisir, en plus, tu as le choix entre 4 places de ciné, notre dernière compil énergie, ou alors l'enceinte Bluetooth waterproof du 6-9 qu'on a reçu. Je vais vous faire une petite vidéo en packaging pour vous présenter le produit. Vous allez voir, c'est un beau produit. Et elles sont vraiment super ouais, belles. Elles sont très chouettes. Eh ben, tu choisis quoi, Stevens ? Je prends l'enceinte Bluetooth. Tu fais le bon choix. Tu fais le bon choix. Oui. Il est dans les bons choix, Stevens, ce matin. Eh ben, on t'envoie ça à la maison, Stevens. On souhaite une excellente journée avec énergie. Merci. À bientôt. Salut, bisous. Salut, voici Jack Jones. If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you. No more late night Ubers, baby. I'm not coming to your house. Are you crazy? You said you were home, but I saw on your story you out till the morning, not alone. So now you're gonna call, ring ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? You there? Ring ring. With another, if you make it out alive, oh, maybe you can make this right. Maybe you can make this right. Oh. You said you were home, but I saw on your story you out till the morning, not alone. Mm-mm. So now you're gonna call, ring ring. Hello, you there? Sur Énergie, Martin Garrix et Rallye à suivre. Oh là là là, ce son. J'adore. Je pense qu'il vous met bien comme nous, hein. Pas se mentir. Ça arrive dans un petit instant. Et puis ce matin, on a de la PS4. Oh oui! Oh oui! Oh, yeah. De la PS4. Oh oui! PS4 à gagner, il suffit de vous inscrire, vous envoyez. Grand malade. PS4 par SMS au 78 ce matin. Vous envoyez ça maintenant, PS4 au 78, ça donnera le message envoyé et reçu. Aurélie Larida qui l'avait fait, où je suis. Je vais vous laisser. Vous envoyez maintenant le mot code PS4 au 6018, ça donnera le message envoyé et reçu et on vous offre ça à d'ici 9h. Voilà, ça va arriver, ça va être plutôt sympa. Mais oui, Allez, on démarre la journée ensemble sur Énergie, 7h45. Yes. Inscrivez-vous PS4 yes. au 78. Yes. Bonne chance. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. But I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Énergie. It's music only. Dans un monde qui change, passez à la simplicité. Votre fils vient de prendre son train et vous avez oublié de lui donner son argent de poche? Pas de souci. Utilisez simplement Easy Banking App et faites-lui un versement en toute sécurité où que vous soyez. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Vous sentez bien un Opel Crossland X avec un toit panoramique bicolore. Oui, mais votre homme, lui, il sent mieux les phares LED adaptatifs. Heureusement, lors des journées SUV Opel, vous avez 50% sur toutes les options. Cela vous évite bien des discussions. Découvrez-les maintenant dans les showrooms Opel. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Oui, et surtout ceux qui ont bien besoin d'une petite cure de vitamine à la mi-septembre. Alors jusqu'à mardi, dans tous les magasins Carrefour, notre délicieux raisin blanc italien en vrac est à seulement 2,39€ le kilo. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Alors, ce pull? Ou bien ce polo? Ou plutôt ce t-shirt? Oh, impossible de choisir! Allez hop, je prends les trois! Maintenant chez CEA, achetez deux polos, cardigan, t-shirt ou pull pour dame ou homme et recevez le troisième gratuit. Pour vous convaincre de choisir une Mercedes de stock, on pourrait par exemple vous offrir un set de roues hiver gratuit. Allez, on vous l'offre. Pour vous persuader encore un peu plus, on pourrait vous proposer des conditions de financement irrésistibles. Mais quoi qu'on vous dise dans ce spot radio, seule une Mercedes pourra totalement vous convaincre. Réservez votre essai maintenant et profitez jusque fin septembre de nos conditions exceptionnelles durant les Experience Days. Infos et conditions sur mercedes-benz.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise? Faites-le réparer maintenant. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne où et quand ça vous arrange. C'est super pratique et n'est possible que chez Carglass. Réservez maintenant votre rendez-vous sur carglass.be via votre PC, smartphone ou tablette. Ouf, là, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur? Oui? Ça va, vous n'avez rien? Non, ça va, merci. J'ai juste dérapé et hop, ma voiture dans le fossé. Je vous dépose quelque part? Non, c'est gentil, j'ai téléphoné à mon assureur il y a une heure. Ah, vous n'êtes pas chez Etias? Non. Ah, ouais. Bon, je repasse dans une heure ou deux dans l'autre sens. Si vous voulez, je vous apporte un sandwich. Saviez-vous que chez Etias, nous vous dépannons dans les 30 minutes? Ce n'est pas un hasard si notre assurance RC Auto a été élue la meilleure par Decavi. Demandez une offre et gagnez une voiture. Infos et conditions sur etias.be. Aller au boulot en voiture volante pour éviter les bouchons? Il y a mieux. Cette semaine, changez de mobilité. Faites le plein d'idées sur semaine.mobilité.wallonie.be et faites sauter les bouchons. On va parler des frères et sœurs dans un instant. Si vous avez des frères et sœurs, restez avec nous, ça va être très drôle. Il y a Martin Garrix aussi qui va arriver côté. Il t'en pense sur les routes à 7h48, Aurélie. Il y a des ralentissements sur le 40 en direction de Bruxelles. 17 minutes en plus en Trace Road et Berthem sur le 411. Ça coince entre Vreille et le Carrefour Léonard. Comptez 23 minutes en plus. Il y a 31 minutes de perdu sur le ring extérieur de Bruxelles entre Genappe et Oullaert. Sur le ring intérieur, comptez 14 minutes supplémentaires entre Wautier-Bren et Heusingen. Et puis au sud du pays, ça coince tout le temps, toujours sur le 411. Ajoutez 38 minutes entre Stockholm et le Luxembourg. Dans la région liégeoise, 19 minutes en plus sur le 42 entre Flémal et la borne kilométrique 1.9. Enfin sur le 40, ajoutez 31 minutes en plus entre Barchon et Recours. Le 6-9 sur Énergie. C'est vraiment de la balle. Le 6-9 sur Énergie, 6h-9h. Tell me what you're crying for. I'll wipe your tears all up. If you're so sick in love, 7h52 sur Énergie. Merci d'être là dans un petit instant. Le Fugitif revient pour un nouvel indice à 8h05. Restez bien branchés. Maroon 5. Ça, c'est ce qu'on va écouter. Et là, j'avais envie de parler avec vous des frères et sœurs. Oui, parce que c'est une belle petite chose qui s'est passée, ou pas. Vous allez vite comprendre. On parle beaucoup de foot, mais il y a aussi le rugby, évidemment. On n'en a pas du tout en Belgique. Il y a une équipe. Si, il y en a, mais du rugby, c'est pas aussi. Si, tu rigoles. C'est pas aussi populaire qu'en France, quoi. Je suis pas d'accord. Le rugby, c'est populaire en Belgique, hein, les gars. Bon, ça va, on va pas se battre, hein. Très bien. Ok, on n'a pas une équipe nationale aussi bonne qu'en France. Non, en France, c'est vraiment un sport national au même titre que le football. C'est ce qu'on veut dire par rapport. C'est pas aussi populaire, voilà, c'est ça. C'est quand même très populaire. Le choc du top 14 en France. entre le Stade français et Toulon a été pour le moins rugueux. Très fight, hein. C'est un peu souvent dans le rugby, j'ai envie de dire. C'est le classico, quoi. C'est du classico. Ouais, c'est du gros match. Et une bagarre a éclaté entre le néo-zélandais. De Toulon et Sekou Makalou. Bref, rien d'exceptionnel en rugby, vous allez me dire jusque là. Ouais, sauf qu'il y a eu un intrus qui est venu se greffer à la baston. Mais non. Très énervé, ouais, en claquette, en sac à banane. Il est descendu sur le terrain et il est arrivé, il a commencé à s'incruster dans la mêlée et à vouloir se taper. Sauf que le supporter en question, en réalité, c'était le frère du joueur. Ah, oh, quoi, il a défendu son petit frère. Ouais, c'est mignon. Vous touchez pas à mon frère, ok. C'est mignon. C'est mignon. Enfin, c'est mignon. Quand tu fais 120 kilos, c'est directement. Ah, bah, il y a quand même le mec qui a dit du stade des esprits qui s'échauffent sur le terrain en rugby, ça arrive souvent. Mais si à chaque fois le public veut s'en mêler, on va pas y arriver, tu vois. Frère ou pas frère. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, le stade français risque quand même des poursuites pénales, c'est un peu dommage. Et disciplinaire, ouais, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, j'ai envie qu'on parle ce matin des relations frères-sœurs. Une petite anecdote à nous donner, tout simple, vraiment, on parle de ça de manière très très simple. Tiffany, t'as une sœur ou un frère ou... Ouais, j'ai une grande sœur, un petit frère et une petite sœur. Ah ouais. Ah bah, il y en a bien un, t'as bien une anecdote à nous raconter. Ouais, avec ma grande sœur, quand j'étais petite et que mes parents partaient, ma grande sœur me gardait à la maison et elle me faisait croire qu'elle était possédée pour que je fasse un peu tout ce qu'elle voulait. Et donc elle me disait: Jennifer ne fait plus partie de ce corps. Et donc... Ta sœur s'appelle Jennifer, hein? Ouais, ouais. Okay. Mais j'avais 7 ou 8 ans, quoi. Et donc au début, je la croyais pas. Je lui disais, ouais, c'est ça. Mais après, comme elle me faisait ça pendant 2 heures, quoi. Jennifer n'est plus là. Bah, du coup, je flippais. Et donc, je pleurais. Et finalement, elle me disait, non, ça va, c'est bon. Mais une fois que j'avais fait ce qu'elle voulait que je fasse, quoi. Petite garce, quoi. Oh, ouais, voilà. Oh, c'est pas cool, ça. Mais d'ailleurs, j'espère qu'elle écoute pas Énergie. Jennifer, sort de ce corps. Venez nous dire ce matin votre relation avec votre frère ou votre sœur ou vos frères et sœurs, tout simplement. Vous en parlez avec nous, 0800 2 3 4 5 6. Vous nous donnez une petite anecdote. Je sais que Frisco, t'as un frérot. Jérém, frère et sœur, toi. Grande sœur. Qui a joué aussi avec comme Tiffany, qui a joué avec mes peurs quand j'étais petit. Mais dis donc, tu nous as caché ça. Oui. Et t'as jamais présenté. Bah, c'est parce que. Bah, parce qu'elle est bien casée, Marc. et que tu as une copine. Ah oui, c'est vrai. C'est Maroon 5. It's been 24 hours, I need more hours with you. peut-être pouvoir gagner 20 000 euros grâce à Énergie et surtout grâce au fugitif Énergie. Nouvel indice à 8h05, restez branchés et James Arthur qui arrive côté hit. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else while it's eating me, then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. En septembre, offrez-vous le confort Citroën grâce aux offres Confort Mania. Jusqu'à 8600 euros d'avantage et 50% sur toutes les options. Citroën. Conditions sur citroën.be. Bienvenue sur Énergie, les 8h. And you're listening to Énergie. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. 8h, on va faire un point sur l'actu dans un instant. Avant ça, voici la météo pour aujourd'hui. Il va encore faire beau aujourd'hui, il faut en profiter, hein. C'est la dernière journée de beau temps. Côté température, entre 17 et 19 degrés ce matin, entre 23 et 26 degrés cet après-midi. Un nouvel indice sur le fugitif énergie dans un instant. Avant ça, voici l'actu de ce jeudi 20 septembre avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour, le réseau des techs est perturbé ce matin. Plusieurs chauffeurs ont débrayé pour soutenir la FGTB qui manifeste aujourd'hui à Namur contre la réforme des aides à l'emploi. La situation est surtout compliquée en province de Liège. À Mons, 5% des bus ne sont pas sortis de leur dépôt. À la Louvière, la grève touche 30% des chauffeurs. Charles Michel demande l'aide de Theresa May. Le Premier ministre belge a rencontré son homologue britannique hier soir et lui a demandé de renforcer la coopération pour gérer la migration de transit et la lutte contre le trafic d'êtres humains. Des experts doivent se retrouver prochainement pour voir ce qu'il est possible de faire. On passe au sport. En football, suite de la première journée de la Ligue des Champions hier, la Juventus a battu Valence 0-2. Victoire aussi pour Lyon qui s'est imposé 1-2 face à Manchester City. Autre victoire, celle du Real Madrid, du Bayern ou encore de Manchester United. Ce soir, on a encore du football avec la première journée de l'Europa League. Séville rencontre le Standard. Ça sera 18h55. Au même moment, Genk affronte Malmö et puis Anderlecht fait face au Slovaque du Spartak Trnava, ça sera à 21h. Oh non, j'ai laissé mon sandwich dans le frigo à la maison. Lunch oublié ? Arrêtez-vous chez Qwait et recevez un encas délicieux et gratuit pour tout achat de 10 euros dans tous les shop and go de l'aise Qwait. Bientôt 3 sur Énergie. Bonjour! Bonjour! On Allez, j'espère que tout va bien. On démarre cette journée tous ensemble avec vous sur Énergie. Une nouvelle journée qui démarre. C'est jeudi. Et qu'est-ce qu'on est content d'être là. Parce que jeudi, en Belgique, on le sait, c'est jeudi. Et demain, demain, c'est vendredi. Eh oui. Il y a Tiffany qui est là. Bonjour. Bonjour. Yo, un sex bomb. Il y a Frisco aussi qui est là. Bonjour tout le monde. Bonjour mon Marco. Vous avez pas entendu? Non. Elle a dit oh merci. Parce que avec la chanson Yo, my sex bomb. Oh merci. Ouais, non, non, détends-toi. Il y a Jérém aussi qui est là ce matin. Coucou. Il y a Aurélie de la Rédac. Bonjour. Et il y a les Fifous du matin. Vous êtes tous là avec nous sur Instagram, sur Facebook. Vous venez nous retrouver. C'est très simple. C'est les Fifous du 6-9 sur Énergie. Très simple pour nous retrouver. Vous nous ajoutez dans le groupe, un groupe ultra privé, ultra secret. Sur Facebook. Ouais, exactement. Et puis Instagram, là, bah, c'est très simple. Il suffit de venir cliquer sur le bouton suivre. Venez nous suivre. On met des stories. On a encore fait peur ce matin, Tiffany. Là-bas. Oh, c'est mythique. Mais Tiffany qui a peur, c'est génial. Hein, c'est... Oh non, mais elle est incroyable. Ça vaut vraiment le détour. Venez voir ça Instagram, les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver. 8h04, voici James Arthur. Restez bien branchés juste après. C'est le retour du Fugitif Énergie avec un nouvel indice. Oui. I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry. Like, ooh, I do this every time. Like, ooh, I know that I just got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better than you even realize. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in your life. And I hope you find somebody else. They love you like nobody else. And I hope you give you something real. Oh, I love you still. But you deserve better, better, better, better. Give up on me, cause babe, I'm hopeless. The more it hurts, the more you try. You know I loved, I just never showed you. It'll be too late when you're with some other guy. Like, ooh, ooh, I know I do this every time. Like, ooh, got to say what's on my mind. You deserve better, better, better than me. Might be what you want, but I'm not what you need. You're better, better, and you don't realize. You deserve better, better, better than me. You deserve might be what you want, but I want you to see. You're better off without me in life. And I hope you find somebody. Car la Luciani qui arrive dans un instant. Et c'est le moment de se connecter avec le Fugitif Énergie. Il a publié. Oui, il a publié. Il a publié. Le Fugitif Énergie. Le Fugitif Énergie. C'est l'homme qu'il faut trouver. Il vaut 20 000 euros, le Fugitif Énergie, avec les casinos Golden Palace. 20 000 euros, oui, c'est une très belle somme. Non, il est en ce moment en cavale à travers toute la Belgique. Il n'a rien fait, je vous rassure. Il vaut juste 20 000 euros. C'est déjà pas mal. C'est une très belle somme. Juste, juste. Oui, excuse-moi. Ouais, il n'a rien fait de mal, au contraire. Il va vous faire beaucoup de plaisir, beaucoup de bien en vous offrant cette somme. Il suffit de le retrouver en Belgique. Dès que vous le trouvez, vous lui serrez la main et vous lui demandez es-tu le Fugitif Énergie? Il vous répond oui, 20 000 euros. Pour vous. Ce qui est incroyable, c'est que peut-être maintenant, à 7h-ci, à 8h-7, il est peut-être à côté de vous. Ouais. Il est peut-être pas loin de vous, il est peut-être dans votre ville. Ouais. Vous l'avez peut-être même déjà croisé sans le savoir. Ça a fait très très peur. Il a publié sur Facebook et là je crois que là on rentre dans les précisions les amis. Là, ça non, fait mais plaisir. Là c'est chaud là. Là franchement là, on est c'est bien, chaud. Là on est bien. Il vient de poster une photo avec un billet de train. Alors je vous le dis après ce qu'il a mis sur le billet de train. Alors vous vous rapprochez, il est temps que je m'éloigne. J'espère qu'il ne sera pas trop tard. Qu'il ne sera pas en retard, pardon. Du train. Ouais, il parle du train. Serez-vous aujourd'hui plus malin qu'hier? En plus, il se fout de notre gueule, le gars. Et donc, c'est un billet de train de Otigny vers Arlon pour un voyage simple en deuxième classe. Et c'est le départ, c'est le 22-9. Donc, ça peut être voilà, toute la journée. Il est capable de partir, quoi. C'est un truc de fou. Il va vers Arlon. Otigny-Arlon. Otigny-Arlon, les amis. Les amis de la province du Luxembourg, allez-y. Il arrive. Il part d'Otigny, c'est ça? Il part d'Otigny. En fait, il était à vélo à 7h05. À mon avis, soit il a toujours son vélo, soit il l'a mis dans un parking à vélo et il va prendre le train, là. Ou peut-être qu'il vient de le prendre, j'en sais rien. Enfin, Et je vois les trains Otigny-Arlon, je viens de voir là sur le site, il y en a un quasi toutes les heures, hein, les fufous. C'est vrai? Ouais. Et il est peut-être un peu plus intelligent que nous, il va peut-être pas prendre le premier là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il va pas traîner non plus trop longtemps. Wouhou, je suis là! Le fugitif énergie en ce moment, et c'est la gare d'Otigny ou pas? Est-ce qu'on reconnaît sur Paris? Oui. Il part d'Otigny. C'est la gare d'Otigny, il va pas être à la gare de Scarbeck. J'ai l'impression que je me rappelle de cette gare, donc je pense que bien que c'est la gare d'Otigny. Gare d'Otigny ce matin, foncez les copains. Si vous êtes dans le coin, vraiment, il y a 20 000 euros à vous faire, c'est le fugitif énergie. Vous le retrouvez, vous lui serrez la main, c'est très très important. Et vous lui posez cette question fondamentale: es-tu le fugitif énergie? Il vous répond oui. 20 000 euros cash pour vous, c'est énorme. Et là, on le sait, c'est du côté d'Otigny. Donc vraiment, ouais, si vous êtes là-bas en ce moment, là, vous partez bosser, vous avez déposé les enfants à l'école, faites une pause, un break. Ça peut être un break qui vous rapporte 20 000 euros. Ah non, mais il me rend dingue ce gars. Tracez, faites vite. Garde Otigny pour choper le fugitif énergie. Le fugitif énergie, partout en Belgique. Vous le trouvez, vous gagnez 20 000 euros. T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville bafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. Déguisé au matin. bah oui, prends garde, hein, parce que si tu sens la grenade, mon pote, à mon avis, tu la sentiras plus longtemps. Dans un instant, il y a Louis Fonsi qui va arriver. Si tu te quedas conmigo, Fancy avec Calypso, j'adore ce morceau, ça arrive dans quelques minutes. On vous rappelle aussi que ce matin, on parle des frères et sœurs, votre relation avec votre frère ou avec votre sœur. Si vous avez une petite anecdote à nous donner, on va parler de ça dans quelques minutes, on va prendre vos réactions. Vous nous appelez, hein, c'est gratuit ce matin. 0800, et comme tous les matins d'ailleurs, 0800-23456, vous appelez Tiffany. Vous venez en parler avec nous dans quelques instants. 3018 aussi par SMS, pourquoi pas, faites-vous plaisir. Vous venez réagir et donnez-nous des anecdotes par rapport à votre relation avec votre frère ou avec votre sœur ou vos frangins, frères et sœurs, quoi, tout simplement. PS4 aussi à vous offrir. Qui en veut? Ouais, moi, s'il te plaît. Une PS4, oui. Deux PS4, trois PS4, quatre PS4. Très bien. Et ben, c'est simple. Il suffit d'envoyer le code PS4 maintenant au 6018. PS4 au 78. C'est 1€ le message envoyé et reçu. On vous appelle d'ici 3 quarts d'heure à 9h. Et on vous offre peut-être ce beau cadeau. PS4 Pro avec 1 Tera d'espace. Plutôt pas mal. PS4 au 78 pour vous inscrire. Bonne chance. Vous allez être des milliers à sa recherche. Un homme qui vaut la somme incroyable de 20 000 euros. Il bouge tout le temps. Cet homme est là, peut-être à côté de vous. C'est le Fugitif Énergie. Rendez-vous sur énergie.be pour toutes les infos. Et tous les matins à 6h05, 7h05 et 8h05, le 6-9 sur Énergie vous donne des indices pour le découvrir. Le Fugitif Énergie, partout en Belgique. Vous le trouvez, vous gagnez 20 000 euros. Et du lundi au vendredi à 17h15, un indice exclusif vous attend sur goldenpalace.be/lefugitifenergie. Golden Palace, nous prenons le jeu très au sérieux. Alors, ce pull? Ou bien ce polo? Ou plutôt ce t-shirt? Oh, impossible de choisir! Allez hop, je prends les trois! Maintenant chez CEA, achetez deux polos, cardigan, t-shirt ou pull pour dame ou homme et recevez le troisième gratuit. Voici Patrick. Ah ouais. Miracle de la médecine, il s'est fait greffer des yeux dans le dos. Je peux tout voir derrière moi. Hein. Et aussi sur les oreilles. Je vois partout, quoi. Patrick a fait ça pour se garer plus facilement. Ouais. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la technologie Nissan Park Assist peut aussi le faire. Hein, en vous offrant une vue aérienne à 360 degrés et en vous assistant dans toutes vos manœuvres. Et c'est maintenant que vous me le dites. Venez tester la technologie Park Assist sur les Nissan Leaf et Qashqai et profitez de conditions exceptionnelles pendant les Nissan Experience Days jusqu'au 22 septembre. Nissan. Innovation that excites. Besoin d'une assurance auto. Je cherche en ligne. Oh, mauvaise connexion et trop d'informations. Oh, un simulateur. Date d'immatriculation. Ils ont de ces questions. Oh, c'est énervant, je perds mon temps. Allez, ciao simulation. J'ai une meilleure idée. J'appelle les AP. Véronique des AP Assurance, bonjour. Ouf, une vraie personne. Moi, je m'habille en rouge. Et tant pis si la mode est au bleu. Mes copines font du fitness, mais perso, je préfère la boxe. Je suis comme je suis. Et ma nouvelle Fabia, c'est vraiment moi. Du 15 au 22 septembre, découvrez la nouvelle Skoda Fabia chez votre concessionnaire et profitez d'un GPS gratuit sur toute la gamme. Skoda, simply clever. Offre soumise à condition. En ce moment, chez Colruyth, c'est le festival du vin. Recevez un magnum de vin gratuit à l'achat de 6 bouteilles identiques parmi une sélection de 12 vins. Profitez-en jusqu'au 25 septembre inclus. Conditions sur colruyth.be. Colruyth, les meilleurs prix pour chaque produit à chaque instant. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Louis Fonsi qui arrive dans un instant. On parle de vos relations frères-sœurs avec des anecdotes. On a déjà quelques pépites, je vous le dis. C'est juste après. Avant ça, un point sur les routes ce matin, Aurélie. Un accident vient de se produire sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur d'Aupin. Vous perdez 22 minutes à partir de Braine-l'Alleud. Une bande de circulation est bloquée. En direction de la capitale, il y a des ralentissements sur le 40. Comptez 25 minutes en plus entre Everly, Woluwe et Saint-Etienne. Sur le 411, ajoutez 28 minutes entre Overijse et Oudorgem. Sur le ring extérieur, comptez 16 minutes en plus entre Waterloo et Oula. Au sud du pays, et ça coince toujours, hein, sur le 411, vous perdez une heure entre Stockholm et la frontière avec le Luxembourg. Il y a aussi pas mal de ralentissements dans la région liégeoise. Sur le 42, comptez 24 minutes en plus entre Saint-Georges et Liège. Et puis sur le 40, 31 minutes supplémentaires entre Barchon et Halleur. Allez, courage, prenez le mal en patience. Louis Fonsi qui arrive et c'est le 6-9 qui est là pour vous mettre de bonne humeur ce matin. Aïe. Bailalo, bailalo. Boom, pan, ready, boom, pan, the baseline. Confident, you never get declined. Man, come off and beg your take time. Fonse and Steph London. Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah. Come on. Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal. Lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta. Te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo. Gritando estrella en el cielo. Y te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo volando toda la noche. Te daré Calypso. Un, dos, tres Calypso. Un, two, three Calypso. One, two, three Calypso. Te daré Calypso. Matinée avec nous sur Énergie, Adèle qui va arriver dans un instant, 8h20, on va parler avec vous des relations frères-sœurs, on a tous un frère ou un sœur, enfin tous. Tous un frère ou un sœur. Tous un frère ou une sœur, pardon. En tout cas, dans l'équipe, tout le monde a un frère ou une sœur. Ouais. À l'unanimité. Eh ben, Frisco, on parle de relations. Dis-nous un petit peu, on a Nathan aussi qui va arriver et Annick qui sont avec nous au standard. 0800 234 56 pour en parler avec nous des petites anecdotes. Une petite anecdote, mon Frisco. Ouais, moi, je m'entends relativement bien avec mon frère. Une fois, donc, j'étais jeune, je devais avoir quoi, 16 ans. Et tu sais, en humanité, tes examens, tu rentres chez toi pour étudier l'après-midi. Mm-hmm. Tu vois. Donc, j'étais rentré plus tôt et mon frère étant plus jeune, il devait aller à l'école jusqu'à genre 3h30 ou quoi. Ouais. Donc, ma mère travaillait, quelqu'un le ramène chez moi et comptait sur moi pour ouvrir la porte. Sauf que la personne en fait a déposé mon frère. Il a dit ouais t'inquiète, mon frère est là. Et il s'est barré. Sauf que moi je me suis endormi dans un coma profond. Mais je me suis endormi comme jamais. Et il a sonné pendant une heure, mec. Pendant une heure devant chez moi. Mais genre il avait quoi, 10 ans, tu vois. Et moi j'étais dans un coma. Et à un moment je me réveille en sursaut avec la sonnette de chez moi. Je descends des escaliers comme un dingue. Je vois mon frère, il était en train de chialer parce qu'on pensait qu'on l'avait oublié. Et moi j'étais en train. Et puis moi je le vois en train de chialer. Je fais je suis désolé, je me suis endormi. Et j'ai commencé à chialer aussi. Et voilà, c'était très, très bizarre. La famille de Frisco, c'est des pleureuses. Surtout des dormeurs. Ouais, non, on est surtout des dormeurs. On n'est pas des pleureurs, ça va, ok. Il mange, il dort, il pleure. Comme des bébés. Il y a Nathan qui est avec nous ce matin, 0800 234 56. Bonjour Nathan. Bonjour. Salut. Bonjour. Nathan. Hey. Ah Nathan, frère ou sœur, t'as quoi toi? Deux frères et une sœur. Ah oui, pas mal. Une petite anecdote à nous donner. Je jouais à cache-cache avec mes deux frères. Et alors le deuxième, un de mes grands frères me dit d'aller dans une valise pour me cacher. Il m'enferme et je reste coincée jusqu'à ce qu'il aille appeler ma maman. Mais enfin, t'es resté dedans combien de temps? Oh là là. Je sais pas. T'as de la chance qu'ils ont pas pris un vol. Hein. Moi je paniquerais. Hein. Ah oui, oui. Ah, moi je deviendrais claustro. En plus, c'est petit une valise, quoi. Tu devais être tout plié, recroquevillé dedans. Ouais. Oui, ouais, apparemment, oui. Ouais, ouais. Il est toujours dedans, je pense. Non, c'est bon. Bah, c'est sympa, les frères et sœurs. Bah, merci d'être venu ce matin dans le 6-9. Nathan, on t'embrasse. Ok. Salut, mon Nathan. Bonne journée à toi, mon poulet. Il y a qui d'autre aussi? Il y a Annick qui est avec nous ce matin en standard. Bonjour, Annick. Bonjour l'équipe Énergie, bonjour à tous. Bonjour, Annick, sois la bienvenue ce matin, tu vas nous parler. Relation frère-sœur, t'as quoi, des frères et sœurs les deux? Oui, j'ai les deux en fait, j'ai trois sœurs et trois frères. Ah cool, bien, famille de sept. Belle famille ça. Ouais. Ouais. Oh, bah, y a forcément une anecdote alors du coup. Voilà, ouais, une anecdote. En fait, nous avons été abandonnés, le frère et moi, à la naissance. Et depuis lundi, nous nous sommes retrouvés. Oh. 48 ans et 45 ans après. Donc, c'est une anecdote. C'est plus qu'une anecdote, mais je trouvais que ça c'était bien. Au sujet d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Ah, bah oui, bah c'est surtout une très belle histoire, ça, Annick, dis-moi. Ah, c'est super beau. Ouais, c'est fantastique, vraiment, vraiment. 45 ans! C'est ça, hein, moi, 45 ans et 8 ans de tout temps, ouais. Et vous étiez perdu de vue pendant toutes ces années? Ouais, on est de Namur, on est nés à Namur tous les deux, et moi j'ai été adoptée sur Strasbourg, lui sur Namur. Et comment vous avez fait pour vous retrouver? C'est très loin expliqué, mais je vais faire très court. Un contact Facebook, et puis par après des rencontres sur des mêmes soirées sans vraiment trop le savoir, avec génial. Des éditions, et puis voilà. Heureusement que t'es pas sorti avec. T'imagines sans le savoir. Le truc, oui, de fou. Voilà. Ah, et ça, c'est une belle histoire, Annick. Ça, c'est vraiment beau. Ça va être chouette, les fêtes de fin d'année en famille, à vous retrouver. Exactement. Tous ensemble. Ouais, voilà, c'est génial. Voilà. Merci. Super. Merci d'être venu, Annick, ce matin. Merci enfin, toute l'équipe Énergie, je vous écoute tout le matin et je vous adore. Ah bah merci beaucoup, Annick. Merci beaucoup, Annick, et n'hésite pas à nous écouter la prochaine fois qu'on offre un GSM, comme ça on t'en offrira un nouveau. On n'entend pas très bien. On te fait des gros bisous, Annick, une belle journée. Merci beaucoup, gros bisous l'équipe Énergie, à bientôt. À bientôt, bisous, Annick. Oh, c'est beau ça. Oh oui. L'histoire de la vie. C'est l'histoire de Annick. Annick. Ah, c'est beau. Oh bah hey, dis donc, on aurait voulu le faire. Tu veux qu'on chiale ou quoi, Mato? Voici Adèle ce matin sur Énergie, 8h25. On est là, les fifous sont là. C'est le 6-9 sur Énergie. Bienvenue tout le monde. I heard that you settled down, that you found a girl. She gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory. 3 days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Du bien, hein. Un petit Adèle sur Énergie. Jane, dans un instant. Ah, 8h35, c'est les sondages du jeudi qui vont arriver. On le dit en moyenne 12 fois par jour. Tout confondu. Hein. On le dit en moyenne 12 fois par jour. À votre avis, de quoi il s'agit? On en parle dans un instant, c'est les sondages du jeudi. Et j'adore ce que Frisco est en train de se faire engueuler par sa maman. Ouais, je vous explique tout ça après. On en reparle à 8h30, restez là. Remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. 10 toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I construire ou rénover par tous les temps. Les sondages du jeudi dans un instant. Avant ça, voici la météo pour aujourd'hui à 8h31. Il va faire beau aujourd'hui, c'est la dernière journée d'ailleurs où il fera aussi beau, entre 17 et 19 degrés ce matin, entre 23 et 26 degrés cet après-midi. Aurélie Adam nous informe l'actu de ce jeudi 20 septembre. Bonjour Aurélie. Bonjour, une grève sauvage perturbe le réseau du TEC ce matin. Certains agents ont débrayé pour participer à la manifestation contre la réforme des aides à l'emploi, manif qui a lieu ce matin à Namur. Pour le moment, 67% des bus roulent dans la région du centre. On grimpe à 87% dans l'Hainaut occidental. En province de Liège, 20% des bus sont sortis du dépôt de Raucourt. Les dépôts d'Oreille, de Jemep et de Robermont sont aussi touchés par le mouvement. Des perturbations, il y en a aussi sur le rail. Un train est à l'arrêt à hauteur de Boxtal, c'est dans la région bruxelloise, suite à un problème technique. L'incident bloque la circulation sur la ligne 28, c'est la ligne de Bruxelles, et la ligne 50 entre Bruxelles et Gand. La SNCB a prévu de renforcer son plan anti-agression. La société a pris une série de mesures concrètes, par exemple, augmenter le nombre d'agents de sécurité à bord des trains, sur tous les trains qui circulent tard. La SNCB a par ailleurs demandé un renfort de la police du rail. Elle a aussi décidé de renforcer la fréquence des contrôles. On passe au sport en football, suite hier de la première journée de la Ligue des Champions. Une journée qui a été marquée par le gros chagrin de Cristiano Ronaldo. Le joueur de la Juventus a été exclu après 30 minutes de jeu. Sans lui, son équipe a battu Valence 0-2. Victoire également pour Lyon qui s'est imposé 1-2 face à Manchester City. Ça passe aussi pour le Real Madrid, le Bayern et Manchester United. Et puis ce soir, on a encore du foot avec la première journée de l'Europa League. Ah. Séville rencontre le Standard à 18h55. Genk affronte Malmö au même moment. Et puis Anderlecht va entamer sa saison européenne face au Slovaque du Spartak Trnava. Ça sera à 21h. Profel. Commandez maintenant vos portées châssis chez votre expert Profel et profitez de nos incroyables conditions d'automne. Profel. Porte et châssis avec une promesse, la transparence. Si tu veux être de bonne humeur le matin, soit tu twerks, soit t'écoutes le 6-9 sur Énergie, ou bien fais les deux. Enfin. C'est le 6-9. Et on est là, 8h34, bonjour. Bonjour. Barbra Streisand. On espère que tout va bien ce matin, c'est jeudi, on se réveille avec vous. Enfin là, on est bien réveillé déjà. Hein. Ouais. On vous accompagne chaque matin, c'est comme ça, c'est le 6-9 sur Énergie. Dans un instant, les sondages du jeudi. Et puis toute l'équipe est là. Il y a Tiffany. Oui, bonjour. Il y a Aurélie de la Rédac. Bonjour. Il y a Jérém. Présent. Il y a mon Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Avec Frisco qui est en train de se faire enguirlander par sa maman. Mais non, c'est super drôle parce que elle est toujours comme ça. Donc j'expliquais une anecdote avec mon frère comme quoi je l'avais laissé dehors alors que moi je dormais. Etc. Il avait 10 ans, il était voilà, il est resté une heure dehors et il pleurait, etc. Soit. Là, ma mère, elle m'envoie un message, je me fais oh mon petit cœur. Elle parlait pas pour moi, elle parlait de mon frère. Hein. Oui, j'allais encore pleurer. 2 heures, tu l'as laissé. Je lui réponds, mais jamais 2 heures, t'es folle. Et puis il me dit, demande, tu verras. Il était 5h30 quand t'as ouvert la porte. Elle me fait, enfin, c'est pas grave. Et je fais, mais vas-y, engueule-moi encore. Hein, L'histoire qui date il y a 20 ans. J'en ai 28, quand même, détends-toi. Non, mais genre, il y a 15 ans, tu vois. Et elle remet tout le temps ça sur la table, quoi. C'est drôle. Elle me fait rire. C'est très, très, très mignon. D'ailleurs, nos mamans, sachez-le, elles viendront pour une émission spéciale. T'as prévenu ta maman? J'ai prévenu ma maman. Elle a pris congé et tout. C'est vrai? Et toi? Ouais. Oui, j'ai prévenu ma maman. Ouais, mais pareil. Tiffany aussi? Ouais, ma maman est prévenue. Aurélie aussi? Ah ouais, non, il faut que je la prévienne. Restez branchés à l'écoute du 6-9, ça sera. Bon, c'est pas tout de suite, hein, mais ça va être génial. Une émission avec nos mamans, ça va être terrible. Voici Jane. To look down at you. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around. I keep my tears tight in my fist. For your city runs into my dreams. Darling, I look about the sun. Off another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around. suite sur Énergie d'Adjou. C'est les chiennes comme Django. Le frère de Maître Gims qui arrive avec son hit Django, c'est ce qu'on va écouter dans un instant sur Énergie. Avant ça, ouais, j'aime bien, il est sympa. 8h35, enfin là il est 38, hein, mais vous avez compris. Aux alentours de 8h35, c'est comme ça tous les jeudis, c'est les sondages du jeudi. Je vous le disais, on le dit en moyenne 12 fois par jour. À votre avis, de quoi il s'agit? Allô, c'est à table, c'est deux fois par jour. Non, non, non, pour moi, à table, c'est 12 fois par jour. Allô, allô, oui, c'est pas mal. Ça peut être ça. Allô, je t'aime. Tu le dis 12 fois par jour à ton mec? Moi, je le dis souvent, oui. C'est vrai? Ouais. Tu dis déjà je t'aime à ton mec? Bah oui, mais je trouve qu'il faut le dire. Et ça fait combien de temps? Ça fait 9 mois. Oh, une grossesse. Un gros bébé. Bonjour. Une idée. Aurélie de la rédac, bonjour. Bonjour. Bonjour, on n'est pas loin. C'est un peu dans le même style que bonjour. Au revoir. Force de la déduction, bonsoir. Bonjour. C'est pas ça, non. Bonsoir. Non, rien bonne à nuit. Voir. C'est très simple, les gars. On le dit en moyenne 12 fois par jour. Atchoum, à tes souhaits. Mais non. Salut. Merci. On le dit en moyenne 12 c'est fois tout. Par jour. Merci. Ah, moi, j'ai dit plus. Ah, ouais, je pense que j'ai dit. Ouais, moi aussi. Ah, c'est ça, en Belgique. Parce c'est que la moyenne, hein, les gars. Parce qu'à Paris, ils le disent pas, hein, merci. Ouais, c'est même pas en Belgique, ça, c'est dans le monde entier. Hein. Ah, c'est une moyenne, voilà, mondiale. Mondiale. 8% des femmes ne supportent pas ça chez une autre femme. À votre avis, c'est quoi? Jérém. Qu'elle soit mieux. Qu'elle soit mieux gaulée que qu'elle. Oh, ça, c'est au moins 90%. voire 100%. Ouais, 100%. Tiffany. Ses vêtements? Ses vêtements, non, ça pourrait être, oui, la critique des vêtements. Non, Frisco? Sa voix. Non. Ride la rédac? Oh, le fait qu'elle se recoiffe tout le temps. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Ah. 8% des femmes ne supportent pas le parfum d'une autre femme. C'est vrai? C'est incroyable. Ah, je comprends, moi. C'est vrai? C'est vrai? Ouais, je suis très sensible aux odeurs, ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, demande à mon nez. C'est vrai? Bon, ok, je sors. C'est dingue, hein. 8% des femmes ne supportent pas le parfum des autres femmes. Incroyable. On finit avec un sondage belge. Un chiffre, les copains, je suis choqué. 94% des Belges l'ont déjà fait avec leurs enfants. À votre avis, quoi? A cake. A cake. Non, c'est pas ça, Aurélie. Aller dans un parc d'attractions. C'est pas ça, Frisco. Aller faire une activité sportive avec son enfant. C'est bien pensé, mais c'est pas ça. Ouais, aller au fast-food. Ah, si j'étais le papa de ses enfants, évidemment. Ça fera un peu beaucoup quand même. 94% des Belges. Non, 94% des Belges l'ont déjà fait avec leurs enfants. Aller au cinéma, c'est une activité, Non, c'est pas une activité. Mentir. Quoi? C'est vrai? Mentir. 94% des Belges ont déjà menti à leurs enfants. Non, mais ça, c'est impossible. Je vais t'expliquer pourquoi. 100% des Belges ont déjà menti à leurs gosses. Bah oui. Mais évidemment, il y en a tout qui le monde. Ont menti dans ce sondage. Ouais, bah, c'est ça. Mais évidemment, tout le monde a déjà menti à ses enfants. Ouais, c'est vrai. Tout le monde. J'en connais pas un, tu vois. Ça paraît être un sujet, hein. Ne fût-ce que la bête question, papa, comment on fait des enfants? Genre, il va lui dire, expliquer clairement à 2 ans comment on fait des enfants? Ouais, bah, à 2 ans, tu poses pas ce genre de questions. Non, tu poses pas ça. Ouais, c'est vrai, pas à 2 ans, mais à 5, 6. À 2 ans, peut-être. Oui. Mais j'augmente l'âge, mais ça pourrait être un sujet de demain, ça. Hein, oui, c'est vrai, les mensonges. Les mensonges, enfants, ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu quand même 6%, je vous l'accorde, qui ont mitonné dans son accélérant. Ils n'ont pas dit toute la vérité. 8h41 sur Énergie, voici Dadju. Restez avec nous, il y a le Fake Ta Life qui va arriver dans un instant. J'adore cette séquence. Je suis fort de mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Nous éloigner, donc il sort toutes sortes de foutaises. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi, mais pas toi. Laisse-moi le calmer, il faut que son cœur s'apaise. Laisse-moi lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, que tu fondes une famille avec n'importe quel autre homme que moi.

Aujourd'hui, le vin est une affaire de cœur et plus seulement de connaisseurs. C'est pourquoi Deleuze fait sa vinolution et vous propose des vins aussi passionnants à découvrir que les histoires qui se cachent derrière leurs étiquettes. Alors, vive la vinolution, vive les vins dont on se souvient et vive les bonnes affaires. Comme cette semaine, ce champagne Vrancken Brut Fondateur en une bouteille plus une gratuite. La vinolution est en marche chez Deleuze et elle vous attend en magasin. Deleuze, du côté de la vraie vie. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Un resto à deux. Un ciné. Un anniversaire. Une journée à la mer. Une sortie au théâtre. Ne rien faire. Avec la nouvelle Audi A6 Avante, créez votre propre espace-temps. Gérez l'intégralité de votre infodivertissement à l'aide d'écrans tactiles intelligents. Vous avez ainsi plus de temps pour faire ce que vous aimez vraiment. Testez les technologies innovantes de la nouvelle Audi A6 Avante pendant les Audi Business Days et profitez de conditions exceptionnelles sur toute la gamme chez votre distributeur Audi. Monsieur le directeur, si c'est pour me dire que vous avez gagné à l'euro-million, je sais. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire que j'ai oublié le dossier Morin à Copacabana. J'ai passé le week-end là-bas. Non, je suis désolé. Ils vont vous l'envoyer par coursier. C'est le moment de devenir scandaleusement riche. Demain, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Ce moment où tu empruntes les lunettes des années 80 de ta grand-mère pour être tendance. Wow, cool tes lunettes. Ah, merci. J'ai mal à la tête. Et ce moment où tu entends à la radio... Back to the 80s. Pearl fête ses 35 ans. Et pour l'occasion, toutes les montures de marque sont à 35 euros. Alors va chez Pearl, tiens. L'assurance auto des AP. En ce moment, 2 mois gratuits. Et en plus, avec les conseils personnels de Véronique. Véronique des AP Assurance, bonjour. Infos et conditions sur lap.be. Peugeot présente. Eh oui, on a encore innové. C'est parfois bien de prendre du recul. Mais chez Peugeot, on a préféré prendre de l'avance. Avec nos SUV déjà les plus vendus du marché et avec le nouveau Peugeot Rifter qui redéfinit les codes du monospace. Look SUV Peugeot iCockpit, technologie embarquée jusqu'à 7 places. Eh oui, on a encore innové. En septembre chez Peugeot, profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Rifter et de l'offre 50-50 sur le reste de la gamme avec 50% de remise sur 100% des options. Offre soumise à condition. Aller au boulot en voiture volante pour éviter les bouchons ? Il y a mieux. Cette semaine, changez de mobilité. Faites le plein d'idées sur semaine.mobilité.wallonie.be et faites sauter les bouchons. Dans un instant, on va faire un Fake Ta Life. J'adore ce jeu. C'est on vous réinvente une vie, il faut répondre à des questions. C'est très drôle, ça arrive. Il y a Moziman aussi. Avant ça, un point sur les routes, Aurélie. Et il y a toujours cet accident sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur d'Aupin. Une bande de circulation est bloquée. Vous perdez 29 minutes à partir de Braine-l'Alleud. Il y a des ralentissements direction de Bruxelles sur le 40. Comptez 22 minutes en plus entre Berthem et Woluwe et Saint-Étienne. Ça coince aussi sur le 411. Ajoutez 33 minutes entre Rixensart et Auderghem sur le ring extérieur. Entre la Hulpe et le carrefour Léonard, vous ralentissez. Comptez 24 minutes en plus. Il y a toujours des ralentissements sur le 411 au sud du pays. Ajoutez 22 minutes entre Vélaire et la frontière avec le Luxembourg. Ça coince aussi en région liégeoise sur le 42. Ajoutez 23 minutes entre Saint-Georges et la borne kilométrique 1.9. Et enfin sur le 40, vous perdez 18 minutes entre Herstal et Recours. Courage. You are the light. I dream about you every night. Another day, another life. You're the one, I watch your eyes. Let me love you. You're what I like. Oh, oh. Whatever you do, I got more. Ain't I'm coming for you. Oh, wherever I go, I know. Ain't I'm coming for you. do I go? You know I'm coming for you, California. Oh, wherever I go, I know, you know I'm coming for you, my California. Toute la musique, tu vas nous le faire? Oui. Non, mais jusqu'à la fin de ce titre, il va faire un califourchon. J'ai même envie de vous pousser le truc plus loin, j'ai envie de faire un clip. Oui, on est comme ça, sur des fourchons et à Cali. Ed Sheeran qui arrive dans un instant. Merci Tiffany, toi, je vois que ça te plaît. Je sais à qui il faut parler de ce genre moi, de projet. Moi, je suis emballée par ce clip. Son rêve, c'est de jouer dans un clip. Ed Sheeran à suivre. Happier. 8h54, on va jouer ensemble et nous allons jouer au Fecta Life. Qui vient jouer ce matin, Tiffany? C'est Kimberley qui travaille comme étudiante en coach sportif et alors elle est à la recherche d'un job étudiant, ou si on peut l'aider par la même occasion, c'est top. Ah bah, si elle peut m'aider aussi à perdre 10 kilos, c'est top aussi. On peut s'arranger. Elle est célibataire et elle adore l'équitation. Ah bon, bah, on peut vraiment s'arranger. Bonjour Kimberley. Bonjour. Et pour le coup, moi j'ai envie de dire, là, elle est à Califourchon. Allez, bah, sur le cheval. C'est mignon. Ah, bravo Tiffany. Bravo. C'était la vanne de l'année. Tiffany, humoriste. Vous pouvez la retrouver tous les soirs au cabaret. Ça vaut au moins 5 euros dans la cagnotte. Ouais. Oh. Je suis assez d'accord. J'en ai dû faire. Kimberley, sois la bienvenue ce matin dans le 6-9. Kimberley, 20 ans, qui vient jouer au Fecta Live. Kimberley, nous allons te réinventer une vie. D'accord. On ne juge pas que la tienne n'est pas bien, loin de là. Mais c'est le jeu Fecta Life. On te réinvente une nouvelle vie, Kimberley. Et après, je vais te poser 5 questions. Et à toi de forcément nous donner les bonnes réponses pour gagner du cadeau ce matin. Ok? Ok, d'accord. Kimberley, voici ton portrait. Voici ton histoire. Tu t'appelles Jean-Claude. Et tu vis dans une contrée étrangère appelée Vrealmour. Tu aimes les tartines à la crème chantilly, recouvertes de morceaux de figues. Tu manges chaque matin d'ailleurs avec un jus de pressé de myrtille. Tu travailles dans une petite boutique qui vend des inventions improbables, comme le réveil matin supersonique et le tabouret mauve à remonter les aiguilles de l'horloge. Tu es secrètement amoureuse de ton voisin Herbert Crouton, qui lui travaille à la boulangerie-pâtisserie du bout de la rue. Quand tu as un peu de temps pour toi, tu pars dans ta maison de campagne à Manage pour y retrouver ton perroquet apprivoisé. Tu aimes les plantes, et tu trouves que le bleu est une couleur idéale pour le ciel. C'était ton histoire. J'adore cette musique un peu celta. Kimberley, voici les questions. Ou plutôt Jean-Claude. Jean-Claude, que retrouve-t-on sur la tartine que tu fais chaque matin? La chantilly avec des figues. La chantilly avec des figues. C'est une bonne réponse. Excellent. Bien. Comment s'appelle l'homme dont tu es secrètement amoureux? Jean-Yves. Jean quoi? Jean-Yves. Non, c'était Herbert Crouton. Quel genre d'invention on peut trouver dans le magasin où tu travailles? Juste une. Le réveil supersonique. Bonne réponse. Où se trouve ta maison de campagne? Allez, encore une bonne réponse. Non, encore c'est une pas, bonne c'est, réponse c'est, et c'est gagné. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est allez, pas Kim, ça. Allez, Kim, on y t'as croit. T'as pas d'idée où se trouve la maison de campagne? Non, c'était à Manage. C'est pas grave. Attention, dernière question. On se concentre. As-tu un animal de compagnie? La réponse est facile. Oui, un perroquet. Tu nous dis oui, un perroquet. Et c'est une bonne réponse et c'est gagné! Oh ouais, on a eu chaud là. Ouf, Jean-Claude, tu nous as fait peur. On a eu chaud, mon JC. Eh ben, bravo, Kimberley. Cadeau pour toi, on te laisse choisir. Tu veux quoi? Une enceinte Bluetooth? La dernière compil énergie ou alors 4 places pour aller au cinéma? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Kimberley? Ok, super, rien. Et bon, on te laisse voir ça avec Tiffany. Voici Ed Sheeran sur Energy, bienvenue. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. So you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby, if you're moving on with someone new. 'Cause baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile. Guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, personnalisé sur Énergie, ça arrive dans un petit instant. Avant ça, de se quitter et de laisser la place à Tanguy qui est déjà là dans le studio, tout prêt, tout beau, tout propre. Bonjour tout le monde, oui, je suis très propre. Salut Tanguy. On va se quitter avec la PS4 qu'on vous offre chaque matin. On appelle maintenant, c'est parti. Appelons le gagnant de ce matin. On vous rappelle, pour vous inscrire, c'est très simple, c'est un petit code en SMS PS4 au 78, c'est 1€ le message envoyé et reçu. Et vous repartez avec votre PS4 tout simplement quand on vous appelle. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, c'est bonjour. Comment ton prénom? Bonjour. Allô? Oui, comment tu t'appelles? Daisy. Comment tout Daisy, c'est ça? Daisy, oui. Daisy, eh ben Daisy, c'est gagné la PS4. Bravo. Oh ben voilà, ça fait plaisir. Oh ben c'est chouette, Daisy. C'est du bonheur. Et c'est pour qui la PS4? C'est pour toi? C'est pour offrir? C'est pour mon fils. C'est pour offrir à mon fils. Ah, c'est génial. Oh, terrible. Et sache que jamais Marco a fait crier une fille comme toi. Il y a mon ami à côté de moi. Il entend un peu de moi. Bonjour. Deux en même temps, mec. Bonjour. Oh là là, le bonheur m'a fait ma journée, les filles. Bonjour. Oh, bah, c'est gentil de nous écouter tous les jours, Daisy. Merci d'être là, en tout cas. On te souhaite une excellente journée, Daisy. On t'embrasse fort. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux dans le 6-9. Hein. Enfin, pas trop vite non plus pour gagner du cadeau. Mais je suis tout le temps là. Bah, super. Merci d'être là. On te souhaite une belle journée, Daisy. À bientôt. Bisous, Daisy. Merci bisous, beaucoup. Daisy. À bientôt. Daisy. Gros bisous. Daisy. Bisous, bonne journée Daisy. Ah, elle est contente, une PS4 fait plaisir. Demain, on remet une PS4 en jeu. Demain, vendredi déjà. Ouais. Oh, ouais. C'est passé à une vitesse cette semaine. Incroyable. J'ai rien vu venir. Mais en fait, j'ai envie de te dire, le mois de septembre passe à une vitesse incroyable. Ça va très vite avec vous, les fifous. On passe vraiment des super bons moments. Super chouette. C'est tous les jours entre 6h et 9h, c'est le 6-9. C'est un véritable bonheur d'être avec vous, je vous jure. Si un jour on m'avait dit que j'allais me lever le matin à 4h30 et kiffer, je t'aurais ri au nez. Alors, et ben vraiment, c'est un véritable kiff. On est de retour demain dès 6h. Belle journée, tout le monde! Belle journée! Belle journée. Belle journée. Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. C'est le 6-9 qui vient te réveiller. Vous sentez bien un Opel Grandland X avec des sièges cuir ergonomiques. Mais votre femme sent encore mieux la caméra panoramique à 360 degrés. Heureusement, lors des journées SUV Opel, vous avez 50% sur toutes les options. Et donc, pas besoin de choisir. Découvrez-les maintenant dans les showrooms Opel. C'est parti, on passe en mode playlist personnalisée sur Énergie. And you're listening to Énergie. Et ce matin, on est du côté de Fontaine-l'Évêque avec Chance Sébastien qui a fait sa playlist sur énergie.be. Ouh, il est fan de Jennifer, ça promet. Jeudi 20 septembre, Jean-Sébastien, il a fait sa playlist, évidemment, sur énergie.be, avec un petit message. Je suis fan de Jennifer depuis toujours, et pour faire passer un bon moment aux auditeurs, il a choisi forcément Jennifer, Angel, et voici Enrique Iglesias. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él. Porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Solo con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Vos hits préférés, vos hits préférés, vous les choisissez. Faites votre playlist sur énergie.be. Tout le monde, il veut seulement la thune, et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame, et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner. Loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler. J'oublie tout et je m'en vais, yeah. Moi je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. Et puis à t'es tout. Je fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune. Tout le monde il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la thune. Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Tout le monde il veut seulement la fame. Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. C'est sympa ça. D'ailleurs, si vous êtes en train de vous réveiller 9h09 tranquillement, c'est juste parfait. Angèle à l'instant, on a eu Enrique Iglesias. C'est la playlist de Jean-Sébastien de Fontaine-l'Évêque qui a fait ça sur énergie.be. Si vous, ah oui, vous voulez vous faire plaisir et nous faire plaisir aussi, bah faites plaisir sur énergie.be. C'est facile, gratos. On continue d'ailleurs hein, la playlist de Jean-Sébastien, Peggy et Ariana Grande qui arrivent. Before they took over my life, and that's the only one I got. Now they're gonna make me despair. They'll make me pay for the end.